écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Par la manifestation véritable de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies et dans toutes les circonstances de nos vies. Parce que Père, nous avons soif de voir le véritable Jésus-Christ manifesté. Nous avons soif de voir de te voir tel que tu es dans une période très sombre de l'histoire où ton nom est mélangé à toutes sortes de malversations, à toutes sortes de tromperies, alors que ce n'est pas toi qui agis. Donc, c'est en ton nom, véritablement, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes venus. Dès le temps, supplie, permettre que nos cœurs soient disposés à écouter ta voix pour mettre en pratique. Renverse les forteresses, les barrières, les murs qui sont encore élevés, qui résistent à nous soumettre pleinement et entièrement à ta volonté. Je t'en supplie, fais-le dans nos vies comme tu le fais ici. Nous te disons merci pour cette semaine qui est passée, merci pour ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. C'est une grâce énorme et daigne, je t'en supplie, permettre alors que maintenant que nous sommes venus, tu fasses encore ce que tu as prévu, toi qui connais toutes choses d'avance et à qui rien n'échappe. Nous ne t'informons de rien, nous ne t'apprenons rien. Au contraire, si nous sommes là, c'est toi qui as créé ce vouloir et ce faire. Donc, glorifie ton nom selon ce que tu as produit en nous donnant ce soir la nourriture convenable, au temps convenable. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Oui, ma soeur Stéphanie, tu as un petit témoignage. Ta soeur Stéphanie est là. Ok. Allô? Oui, ma soeur. Oui, j'avais un tout petit quelque chose que je voulais partager. Partage, ma soeur. C'est un message que j'écoutais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, ça m'a fait un petit travail dans ma vie. C'est c'est le Somme chapitre 1, verset 1 à 4. Surtout le verset 2. Le frère Élie, c'est dans son message, le titre du message, c'est Invocation du nom puissant de Jésus. Donc, c'est un message que j'ai trouvé, je l'ai écouté tellement, du début jusqu'à la fin, je l'ai écouté peut-être 5 fois. Avant là, je trouvais tellement le plaisir mon plaisir était dans les films. Donc, quand je me levais le samedi comme ça, là, je me couchais sur le canapé, je regardais la télé jusqu'au soir. Et je n'arrivais pas à me détacher. Et quand j'ai écouté ce message-là, et puis surtout le verset, le chapitre, le Somme 1, parce que le verset 2 dit ceci, donc le verset 1, je crois, c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui. Non. Et bon, c'est le Somme 1 là que tu connais là. Et puis le verset 2 vraiment a travaillé dans ma vie parce que ça dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et là alors, quelque chose m'a dit, dans quoi est-ce que je trouve mon plaisir? Je me suis rendu compte que je trouvais mon plaisir dans les convoitises de ce monde, dans la télévision, dans les choses qui n'apportaient rien à ma vie. Et quand je sortais là, j'étais toujours malheureuse. Et c'est ça un peu que ça m'a aidé à couper complètement. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai plus envie de regarder la télé. Je ne regarde pas la télé. Quand j'allume la télé, là, c'est pour mettre un message pour écouter. Et puis, je voulais juste te dire que ce verset-là, ça m'a vraiment aidé et ça a apporté. Parce qu'avant, la Camille dit arrête la télé, mais je n'arrivais pas. Mais rien que ce message-là et ce verset-là, ça a vraiment fait la différence dans ma vie. Et puis, je voulais partager. Amen, amen, amen. Amen, amen. Wow, c'est ça. Comme quoi, lorsque la parole, effectivement, la parole de vérité, lorsqu'elle sort, qu'elle trouve dans le cœur la place qu'il lui faut, elle fait le fait immédiat. Donc, on se rend effectivement compte que il envoie sa parole et sa parole guérit. La parole du Seigneur est effectivement capable de guérir. Donc, nous lui rendons infiniment gloire pour la vie de notre sœur. Amen. Parce que la parole a produit cet effet dans son cœur. Sinon, sans plus tarder, je remets la parole à Iguala. Il n'y a qu'une seule personne ici dans le Douala, sinon tous les restes là nous sommes du Canada. Donc, je renvoie l'antenne à Radio Douala. Nous sommes dans le Canada, dans la sainteté. Apparemment, Douala a des problèmes, a des soucis. On m'informe que Douala a des problèmes de réception une fois de plus. Bon, en attendant que Douala puisse arranger sa ligne, on continue alors. Oui, je voudrais aussi aborder dans la. Il a fini, c'est bon. Vas-y, Mathieu. Je voulais aussi aborder dans la même lancée que la sœur Stéphanie. Moi, ça fait il y a 2 ans que le Seigneur m'a accordé la grâce de découvrir que la télé, c'est un poison. Mais de temps en temps, je reçois souvent des jeunes filles qui viennent passer le week-end avec moi, soit pour donner un coup de main, soit pour se reposer. Alors, il y a une qui aimait bien écouter l'humour. Et quand elle écoutait, elle m'appelait, tata, viens écouter, c'est. Bon, je me suis rendu compte que sans le comprendre, sans le savoir, je pouvais dire plaisir. Après son départ, aller sur YouTube écouter l'humour de cette Ivoirienne-là. Un jour, pendant ma méditation, pendant que je priais, j'entends une voix qui sonne dans mon cœur, moqueuse. Moqueuse. Moqueuse. Pourquoi je suis moqueuse? Je ne suis pas moqueuse. Moqueuse. Alors le verset du chapitre 1, nous sommes au verset 2. Mais le verset 2 qui dit. On peut le verset 1. Même la sœur Stéphanie venait de lire, disait, heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Elle dit, waouh! Donc en fait, ce que cette dame-là fait, si bien qu'on se mette à rire, des satires, des critiques, l'humour dans le rire, en fait, c'est se moquer de certaines choses. Elle dit, ah, c'est je demande vraiment pardon. La ignorance là, on s'assoit accompagné de moqueurs, on aussi, il s'est moqué de tel président, il s'est moqué de telle femme, de tel, on se met aussi à rire. À savoir qu'on on partage leur péché, on communie avec eux. C'était triste. Et je bénis vraiment le Seigneur qui m'a fait découvrir cela. Amen. Le travail de la sanctification tous les jours. Le Seigneur procède avec nous de manière méthodique. On est véritablement dans nos cœurs. Ce qui nous empêche de le voir et de l'expérimenter la pleine grâce. Donc il travaille de manière méthodique en l'air. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'effectivement, lorsqu'on voit ce genre de trucs, hein, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de si négatif? C'est juste de rire, c'est juste de se faire plaisir, il n'y a rien de méchant. Mais effectivement, tout ça, c'est ça, soit en compagnie des moqueurs, et on ne se rend pas compte qu'on devient nous-mêmes, effectivement, des moqueurs avec ceux qui sont en train de se moquer. Donc il est vrai que parfois, ceux-ci dépeignent un peu la réalité de la vie. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste de moquerie. Donc que le Seigneur, dans tous les aspects de notre vie, puisse continuer à faire son travail. Et combien ce n'est pas facile. Avant nous, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Parce que quand on a déjà été habitué à un certain nombre de choses, quand on a déjà acquis un certain nombre de réflexes, une certaine manière de penser, pendant des années, enlever tout ça dans notre âme, c'est un combat très difficile. Et c'est là où on comprend la nécessité d'être véritablement en Christ. C'est ça le vrai challenge. Donc, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Il faut pouvoir mener par la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose qui ne s'enlève pas, du petit côté. Parce que je me posais toujours la question, parce que moi j'étais accro, très accro à la télévision, particulièrement le match de football, c'était mon dada. Et pendant des années, j'ai essayé de lutter contre ça. Jusqu'à matin, toujours un matin, pendant que vraiment j'étais en train de prier, que le Seigneur. Il enlève tout cela, va mettre la télé, va jeter la télévision. On avait une télévision, on avait une antenne parabolique. Et comme ça, un matin, du coup comme ça, un matin, ça dit, ok, enlève-moi tout ça. Et je suis allé couper pour lui. Instantanément, sans discuter, je n'ai pas essayé de réfléchir comme est-ce que c'était. Vraiment, le Seigneur qui était en train de me parler et tout. Je n'ai pas réfléchi que je devais perdre tous mes matchs de football de samedi, les dimanches. Donc, je suis allé, j'ai enlevé la télé, j'ai porté l'antenne, j'ai porté la télé, je suis allé. J'ai dit que on allait jeter. On me regardait, j'ai porté la télé là pour déposer dehors, pour mettre ça dehors. Les gens me regardaient comment. Et c'est comme ça que ça s'est coupé. cœur. Ça s'est coupé de... Il a été coupé dans mon cœur. Il a été coupé. Il a été enlevé dans mon cœur. Une fois pour toutes. C'est comme ça que j'ai été délivré par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu, voilà comment moi j'ai été délivré de la télévision. Donc, ça m'a fait un sujet de partage, tu vois. Voilà, les effets néfastes de la télévision. Pourquoi, effectivement, pourquoi est-ce que la télévision ne tient pas bonne? Qu'est-ce qui fait en sorte que. Quel est l'impact de la télévision dans nos vies? Je pense que ça peut être un sujet compliqué conformément à l'idée que le frère propose en attendant. Encore, quand tu vas venir, on sera davantage dirigé par rapport à ça. Ça peut être un sujet que le Seigneur permet ce soir. Mais une chose est certaine, une chose est vraiment certaine par rapport à la télévision. C'est que je me rappelle une fois, lorsque j'étais en train de prier, quand le Seigneur m'a clairement révélé qu'il arrive le temps, et c'est spécifique à la télévision, c'est pas autre chose, c'est vraiment par rapport à la télévision, le Seigneur me faisait clairement comprendre qu'il arrive le temps où la possession démoniaque va se faire en masse au travers de la télévision. C'est-à-dire les gens seront en train de regarder la télévision comme ça, et par les ondes magnétiques. Vous savez, lorsqu'on regarde la télévision, il y a ce qu'on appelle les ondes magnétiques, hein, pour les satellites qui sont envoyés dans l'espace. Et donc, c'est à partir d'eux que les images sont répercutées dans les différents endroits. Et donc, le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre que le temps arrive où les possessions démoniaques en masse des peuples va se faire au travers des télévisions. C'est-à-dire, les gens seront assis sur la télévision, assis devant la télévision, en train de regarder, et les démons vont passer par les ondes magnétiques pour entrer dans les yeux des gens et les posséder littéralement, bien littéralement. Donc, il y a une grande masse de la population mondiale qui sera possédée en regardant simplement la télévision, parce que les démons passeront à travers des ondes aériennes pour les posséder. Et ça prépare tout simplement, effectivement, l'Antéchrist. Ça prépare tout simplement le fait que les gens vont commencer à adorer l'Antéchrist. C'est l'image qu'on appelle l'image de la bête, etc. C'est comme ça que la bête va se faire adorer. C'est-à-dire les gens sont devant la télévision et puis son image passe. Et chacun dans son truc se prosterne devant cette image-là. Et donc c'est pourquoi vous voyez un travail qui est vraiment en train d'être fait au travers les médias pour vulgariser le mensonge, pour vulgariser les messages, les fausses doctrines. C'est comme ça que ça va se faire. Il y a un travail vraiment qui est en train d'être fait dans les différentes voies de communication, ce qu'on appelle les NDIC, pour amener les gens à être dépendants, mais vraiment dépendants de la technologie. Alors qu'on doit pouvoir utiliser la technologie, non pas pour comme les gens de ce monde l'utilisent, mais vraiment comme un outil, comme un moyen. Si on peut écouter les messages, s'il faut communiquer, il faut vraiment que ça reste dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très dangereux qui est en train de se préparer. Et la masse va se faire procéder au travers des écrans de télévision. Donc, il faut prier dans nos jours, des familles encore, où il y a des télévisions, c'est des choses desquelles il faudra à un moment donné se débarrasser, à moins de savoir vraiment l'utiliser, mais la télévision a cette... C'est comme une drogue, hein. Parfois la télévision c'est vraiment comme une drogue. Dès qu'elle est là, elle est à la maison, elle peut rester éteinte un temps, deux temps, trois temps, Mais après, comme par... Tu as trouvé un petit quelque chose, tu dis, ah, allume quand même. Et ça te pousse à l'allumer. Dès que tu allumes, tu tombes sur une émission. Tu te dis, non, je vais regarder l'émission là juste pour 10 minutes. Après les 10 minutes, la passe. On te dit, il y a toujours comme un suspense, comme un maître là. Après, on te dit, après cette émission-là, c'est une autre chose qui passe. Après, une autre chose-là, c'est autre chose. Et finalement, tu te retrouves à passer 3, 4, 5 heures de temps devant la télévision. Et arrête. Que tu mets ton âme a été nourrie de rien d'intéressant. Et quand tu t'en vas dormir, ben, les songes que tu fais sont souvent relatifs. Parce que tu as vu. Et c'est comme ça que on est en souffle dans le monde. C'est quelque chose de, il faut se débarrasser de la télévision. Et de toute façon, quelqu'un a dit qu'on a la meilleure source d'information, c'est la Bible. Si on veut avoir la vraie source des informations, la Bible a déjà tout dit. La Bible a déjà tout dit. Le Saint-Esprit est là. Et il peut nous aider pour cela. C'est ça, le danger de la télévision, c'est l'éducation de nos enfants. La plupart de nos enfants aujourd'hui sont éduqués par la télévision. J'ai vu en passant là sur WhatsApp une petite fille qui insultait sa maman avec des paroles tellement grossières. Et tu te demandes est-ce qu'elle a pu apprendre ça. Si ce n'est pas ses parents qui le disent, c'est que c'est probablement qu'elle a dû voir ça à la télé. Souvent, on se grandit avec des paroles et avec avec une mentalité qui est malheureusement noyée dans le péché. Donc, c'est un peu ça. Mon frère, quand tu es prêt, prends le relais. Je pense que. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, le frère Francis. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Suzanne Solange, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment va la maison? Bien, par la grâce de Dieu. Ça ira toujours bien, quel qu'en soit le cas, parce que notre Seigneur Jésus-Christ veille sur vous et sur toi particulièrement. Amen. D'accord? Quelles que soient les tribulations, il finit par prendre contrôle. Et les tribulations ont pour but de fortifier notre muscle spirituel afin de se concentrer sur lui. Amen, amen. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Vous voyez un jeune garçon, vous voyez ce garçon, s'il le voit, regarde comment il rit là. Vous voyez sur l'image du frère français, vous voyez ce garçon, s'il attendait l'âge de 3 ans, je l'attends à 3 ans. Vous voyez, ah Seigneur, regarde, vous voyez la même onction du Maroc là, se retrouve sur moi là maintenant à cause de lui là. Sa présence seulement. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire sur cette terre, frère? Nous vivons une époque vraiment grandiose devant le Seigneur, où les choses que nous lisons dans la Bible doivent se passer devant nous et avec nous. C'est merveilleux de vivre cette époque-ci, ces époques-ci. Ah, c'est merveilleux. Regardez, il est content là. La sœur de la Roche, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. La sœur Alphonsine, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Madame Camille Mbana, bonsoir. Bonsoir, patron. Que le Seigneur te bénisse. Il y a les crachats qui... Bon, comment tu vas? Je vais bien. Le Seigneur contrôle. Amen. Amen. La sœur Flore Karine, bonsoir. C'est sûr que c'est miné encore chez elle là maintenant. Ouais, mes soeurs de Canada, là, on va faire comme... La sœur Monique, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, beaucoup de courage. Alors, vous avez engagé avec le sujet de la télévision. Ce serait bien que nous jetons un coup d'œil sur quelques vidéos et on voit le danger de ces choses-là. Et puis, on va commencer à poser des analyses sur certaines choses. D'accord, mes soeurs? Maintenant, déjà, avant d'y arriver, comment les images, je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez déjà eu à réfléchir, pendant que vous parlez, vous écoutez, et puis ça me revenait comme cela. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'image dans la télévision? Vous savez la procédure? Le petit écran qui se trouve chez vous, comment l'image fait pour se retrouver là-dedans? Le point de départ, c'est quoi? Caméra, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons observer la caméra. Écoutez très attentivement, nous allons observer, parce que le point de départ, c'est la caméra. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fixe sur une image. Et c'est cette image-là qui est envoyée avec les processus, comme le frère parlait. Est-ce que, j'espère bien que je n'ai pas été impoli de ne pas dire bonsoir à notre bien-aimé frère Camille. Frère Camille, bonsoir. Allô, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Au four et au moulin. Alors, la caméra fixe l'objectif. On fixe l'objectif de la caméra et on prend cette image. Cette image est imprégnée. Qu'on réplique et on envoie maintenant dans des stations. Les stations la station de traitement de l'image qui est projetée maintenant en ondes et nous le recevons maintenant sur notre, appelons ça, petit écran. Et le monde est chez vous. Vous restez sur place sans voyager. Vous avez le monde chez vous à cause d'une caméra. Maintenant, comment fonctionne la caméra? Vous savez à base de quoi a été faite la caméra? Les gens des Mengsi, là, même eux aussi, là. On essaie de me poser la question. Aucune idée. Non, mais la question me vient comme ça, l'analyse me vient là, pendant que vous en déposez. C'est là où je pose la question. Observez la caméra. Vous avez déjà observé la caméra. Si vous avez même votre radio, votre un appareil photo là-bas, ou bien votre télé, votre portable. Oui. Pour que vous preniez une image, il faut qu'il y ait un orifice. On appelle ça quoi? L'objectif. Là, pour que vous me voyez maintenant, déjà, prenez un exemple sur votre ordinateur. Pour que vous me voyez, il faut qu'il y ait un petit orifice. La caméra, c'est la caméra. Donc cette caméra là, ce que les gens portent pour pouvoir se promener, pour faire les images là, en grande miniature, ça se trouve intégré dans votre ordinateur maintenant. Mais cet objectif là est fait à base de l'œil. C'est à partir de votre œil qu'on a conçu cette caméra. Elle fonctionne de l'œil. Voilà. Donc la caméra est fonction de l'œil. Et donc, ça veut dire que ce que vous voyez est stocké dans votre cerveau. C'est exactement ce que la caméra fait. La caméra prend ce que vous voyez, ça renvoie le lieu de stockage, c'est la télévision, pour pouvoir manifester cela. Et ça enregistre donc dans la télévision, pour nous pouvons voir cela. Et donc, on se pose donc la question, ça suppose donc que le fonctionnement de la relation entre nos yeux, ce que nous regardons, et notre cerveau, là où ça va stocker, ce que nous voyons et que nous stockons en nous, c'est ça qu'on a essayé d'excentrer. Et montrer sur le plan humain avec entre caméra le point de départ et le point finish, la télévision, n'est-ce pas mes soeurs? Oui. Alors donc, ça veut dire qu'en regardant dans l'original maintenant, ce que vous regardez, ça finit par habiter où? Dans le cerveau. Canada dans la sainteté, bonsoir, nous allons commencer ce soir, nous prenons une respiration musicale et nous revenons tout juste après, d'accord mes frères? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton nom qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas quand tu me parles. La faculté visuelle, ce que nous voyons influence sur notre devenir, sur notre marche, sur notre comportement, à l'insu même de notre propre conception même. C'est ainsi qu'un enfant sortant du village aura un comportement de chantier. Il ira au champ, se comportera comme un villageois, comme on le dit. Mais une fois en ville, avec ce qu'il verra dans la télévision, avec ce qu'il verra faire dans la société, commencera par l'effet de masse, par l'effet de groupe, par l'effet de l'influence, à commencer à marcher exactement dans ces voies-là. On dira donc en sociologie comportementale que la personne est dans le suivisme. Mais ce comportement-là est manifesté et manipulé à son insu. C'est ainsi donc que la société de la publicité est née. Dans des films, on introduit donc des publicités. Et vous remarquez effectivement que dans des pays, dans tous les pays, que ce soit dans les grands championnats, championnat du monde ou quoi que ce soit, vous voyez qu'à des moments où on sait effectivement que la masse de la population qui visionne est là, que ce soit dans lors de la Champions League, des Coupes du Monde, les sponsors se bousculent pour pouvoir sponsoriser et être à l'auteur. Pour qui? Coca-Cola, pour d'autres, des brasseries, pour d'autres encore des sociétés, quoi, des cigarettes et des sociétés sportives, des équipementiers, ou mieux encore des fast-food comme tels que Maldona et KFC se bousculent pour être des parrains de certains événements sportifs, parce qu'à ce moment-là, la masse de la population qui voit un événement bien précis sont bien positionnés. Que font ces personnes-là à cet instant-là précis? C'est pour injecter dans la pensée des gens, à leur insu justement, de façon inconsciente, la proposition de leur matière sans leur dire effectivement qu'il faut prendre. La publicité donc est utilisée par la télévision, mieux encore les ingénieurs. Les ingénieurs manifestent de ces choses, ou bien encore les ingénieurs de ténèbres utilisent ces moyens de la télévision comme un moyen pour manipuler la masse. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants, tout juste après ces respirations musicales. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Comme un tueur silencieux, comme un serpent de mer, la télévision est entrée dans nos vies, modifier nos comportements et nous donner une culture qui n'était pas nôtre, transformer les chrétiens en des zombies, transformer des foyers en des véritables robots, nous transformer en une société où tout va aller à la vitesse de la lumière. L'impatience est caractérisée maintenant, est une caractéristique grandiose de ces choses maintenant. Au travers de la télévision, on dicte notre comportement, dicte notre habillement, dicte notre standard, dicte notre réflexion. Quand nous devons nous coucher, quand nous devons nous lever, ce qu'il faut faire le matin, tout cela est dicté à la télévision. En fait, la télévision nous a robotisés afin que dans notre monde, nous comprenions le standard que Satan veut pour nous. Quel outil facile entre les mains de Satan pour pouvoir transformer nos comportements? C'est au point où, même maintenant pour lire la Bible, on doit le lire sur des supports numériques. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Canada dans la sainteté se penche ce soir sur le cas de la télévision, comme vous avez supposé. Le cas de la télévision et ses dangers pour notre vie spirituelle. Télévision, danger dans nos vies, non seulement physiques, mais la vie spirituelle. Nous allons voir à l'issue d'ici qu'effectivement, le temps que nous passons devant la télévision, si nous n'appassions devant les Saintes Écritures dans la présence du Seigneur à genoux, nous ferons beaucoup d'exploits sur le plan spirituel et sur le plan physique. Mais au contraire, la télévision justement prend à ce temps-là. Pour d'autres, c'est un match, c'est 90 minutes, sans compter les arrêts de jeu avec des tirs au but. Et quand il faut faire deux matchs par jour ou bien trois matchs par jour, sans compter les séries télévisées pour les femmes, c'est ainsi que les chrétiens quittent d'un camp à un autre, le camp de Satan. Ils vont dans les démons des masses qui sont en train de vouloir jouer dans la télévision. Au travers des films de Hollywood, ils vont finir de voir cela. Et passer maintenant d'autres groupes de démons venant de Hollywood, effectivement, pour voir effectivement ce qui se passe là-bas. Plusieurs autres chrétiens utilisent la philosophie en disant que ça nous éduque quand même et nous trouvons les journaux. Entre-temps, les journalistes eux-mêmes de ces journaux qui disent effectivement que si vous croyez à la télévision, à ce que vous voyez à la télévision, vous êtes manipulé. Vous devez savoir effectivement que si vous voulez chercher la vérité, vous ne devez pas la voir à la télévision. Vous suivez un journal, deux journaux concernant le même sujet disent des choses totalement contraires. Nous avons vu sur la manipulation, et nous allons y revenir dans la deuxième partie de cette émission, la manipulation des informations que nous avons. C'est ainsi donc que, dans un camp, dans une histoire politique, selon qu'on sera dans un camp opposé, dans un camp de pouvoir, les informations issues de l'un et de l'autre camp seront biaisées. Et notre information de la biographie des événements ne seront pas données de façon disjointe par les gens qui doivent distiller ces choses-là. Par conséquent, quelqu'un qui prendra position pour un média ou pour une autre, pour une position, buvra ce qu'on aura supposé là-bas. On appelle donc cela en journalisme la ligne éditorialiste. Pour le cas du Cameroun, par exemple, quelqu'un qui suit le journal à la CIA TV n'aura jamais la conception d'un président mauvais. Pour celui qui va suivre du côté des Equinox et des télévisions dites appartenant à l'opposition, on verra toujours l'état de ces mêmes partis au pouvoir. C'est ainsi donc, effectivement, que la télévision est faite et fonctionne dans le monde entier. Pour quelqu'un qui veut suivre donc la vérité, il faut aller à la source de la vérité. Les chrétiens savent qui est la vérité. L'éternité et en retour, promets de t'aimer. Sens-tu mon amour quand je chante pour toi? Canada dans la sainteté, ce soir, nous allons nous interroger par rapport à notre motivation et poser des questions fondamentales sur notre orientation de la foi. Qu'est-ce qui fait orienter notre foi? À l'issue de ce que nous mettons sous nos yeux, est-ce à nous faire des avantages? Est-ce à notre avantage pour chercher la voie de la vérité? Quel est l'avantage de ce que nous voyons? Est-ce que c'est pour nous perfectionner dans la voie de la vérité? Quels sont les moyens pourvus par Dieu dans les Saintes Écritures? Comment on fait pour se perfectionner? Est-ce que Dieu nous a dit que la source d'information que nous devons recevoir, c'est de lui? C'est au point qu'aujourd'hui, pour quelqu'un de savoir si un serviteur est de Dieu, il ira sur YouTube. YouTube est devenu la référence. Internet est devenu la référence maintenant pour savoir si un serviteur de Dieu est pas. Alors, dans ces informations encore manipulées, vous irez dans une chaîne, on va appeler quelqu'un serviteur de Dieu. Dans une autre chaîne encore sur ce même internet, on appellera quelqu'un serviteur de démon. Une personne qui ira dans cette YouTube ou dans l'internet pour chercher les informations, je rappelle pour ceux qui m'écoutent maintenant qu'il y a une partie de l'internet appelée Darknet qui ne sont pas vues par ce que vous voyez. Quand vous allez sur le net pour voir, il y a une partie qu'on appelle Darknet où les vraies informations, le trafic de drogue, c'est parce que vous ne pouvez pas voir sur Google et autres. Et chaque information que vous entrez sur Google, vous prenez des informations en fournissant des informations à votre insu. Donc quand vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple Frère Junior, vous venez de donner une information à Google qu'il y a quelqu'un qui existe comme Frère Junior. Plus tard donc, on vous suggère la recherche, vous tapez sur un autre ordinateur Frère Junior, on donne les informations concernant cette personne, pourtant c'est vous qui l'avez fourni. C'est ainsi donc que nos vies sont manipulées par les outils de technologie, les nouvelles technologies. Canada dans la sainteté, danger de la télévision pour notre marche spirituelle, pour notre vie spirituelle, c'est ce que nous observons ce soir. Installez-vous confortablement, nous commençons maintenant. Vous êtes bien assis, n'est-ce pas, mes frères, la sœur Suzanne? Vous êtes bien assis, n'est-ce pas? Voilà, je crois que c'est un sujet également qui fait débat depuis des siècles, depuis des décennies au milieu chrétien. Il n'y a pas de mal à cela. Et le péché est vraiment doux. Comme le péché du monde, le péché touche de deux côtés de la chair, toujours. Tous les péchés, remarquez très certainement que tous les péchés font du bien à la chair. Avez-vous remarqué cela? Tous les péchés font du bien à la chair. Et comme ça fait du bien à la chair, on essaie de cajoler dans le sens du poil. Pour ceux qui veulent aller loin, qui veulent aller de l'autre côté du rideau où se trouvent dans les puissances des siècles à venir, ces personnes doivent être maintenant au-dessus. Le P égale à MG doivent être le G. Le G doit les amener à quitter la terre pour regarder du côté du ciel. Je vous propose donc d'écouter, si vous le voulez bien, d'observer quelques vidéos et on y revient tous après. Prenez les notes, prenez les faits, prenez les notes, nous allons entendre des choses. Que Dieu vous bénisse. Si vous voyez la vidéo, l'écran, vous me dites, vous voyez déjà mon écran, vous me dites. Vous voyez. Ok, maintenant, je vais mettre. On commence. Chez Caroline et le petit César, c'était devenu une habitude. La télévision allumée en permanence. L'enfant de 2 ans et demi était comme aimanté par l'écran. On voit que César regarde la télé et omnibulé, il répond pas quand je l'appelle. Et sur la deuxième vidéo, donc on voit qu'il n'y a pas la télé, il y a des jouets devant lui, mais il ne sait pas quoi en faire, il est perdu. Exposé aux écrans, César ne progresse pas comme les autres enfants de son âge. Ses parents constatent cette différence, mais ne font pas le lien avec la télévision. Ils redoutent alors que leur fils ne soit autiste. Quand on l'a appelé, il ne répondait pas, il ne faisait pas de jeu d'imitation, on avait l'impression qu'il était sourd. Enfin, c'était vraiment tous les signes, il les avait. Lors d'une consultation, la pédiatre de Caroline lui propose d'arrêter totalement d'exposer son fils aux écrans. Après seulement 15 jours, César change de comportement. Tu me fais un petit bisou sur la joue? Oui. Ouais, rien que ça, faire un bisou sur la joue de sa maman, il ne le faisait pas avant, et déjà il ne me répondait pas, il ne venait pas me voir, voilà. Donc il y a, au niveau interaction avec les gens ou avec nous, ça c'est revenu complètement. Aujourd'hui, César a toujours un léger retard de langage qu'il comble peu à peu. Des cas comme le sien, cette médecin en constate aujourd'hui 7 fois plus qu'il y a 15 ans. On pense que ça peut être une génération d'enfants sacrifiés. Donc on fabrique du handicap alors que l'enfant il est né sans handicap. C'est un risque de santé publique énorme, considérable. C'est à notre avis toute la société qui est menacée par ce fléau. Plusieurs pédiatres et médecins recommandent de supprimer totalement l'accès aux écrans des enfants de moins de 3 ans et de le limiter strictement pour ceux plus âgés. Voilà. Voici un extrait. Je crois que vous avez certainement eu cet extrait sur, sur votre petit écran d'ordinateur ou mieux encore des portables de BFM TV. Cet enfant, après 15 jours de non-exposition à l'écran, ça a changé son comportement. Que d'ici cette façon, cet enfant s'est continué sa vie et 15 années devant l'écran. Quel comportement aurait cet enfant? Je crois que le frère Francis, je te passe la parole. Première vidéo, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela? Après, on va aller avec les mamans des enfants maintenant. Oui, concernant la vidéo qu'on vient de dire, ça c'est parlant de l'influence, voir la télévision, et là on voit tout de suite que ça influence le cerveau. Et quand ça influence le cerveau de cet enfant, ça influence aussi sa manière de se comporter. On voit quelqu'un qui va se mettre à l'écart de la société et être concentré uniquement. Donc voilà quelqu'un qui va commencer à vivre sa vie de manière, de manière égoïste, de manière solitaire, ne voulant pas sûrement avoir des interactions avec le monde extérieur. Et ce phénomène, ça me rappelle un phénomène qui se déroulait au Japon, où il y avait des garçons, et c'était devenu un sujet national, un problème d'ordre national au Japon, où des garçons se fermaient dans leur chambre sans sortir et restaient devant la télévision, devant les jeux télévisés pendant des heures, au point qu'ils étaient coupés carrément de la société. Et beaucoup de parents en souffraient et ont dû. Au point où le gouvernement a dû mettre en place un des centres de désintoxication, parce que c'est devenu comme... Désintoxication télévisionnelle. De désintoxication télévisionnelle. Au point où c'était devenu des addicts de la télévision. Donc on voit ici là que la télévision a ce pouvoir, peut-être a le pouvoir que peut avoir la drogue sur un homme, peut avoir l'alcool sur un homme. Donc ça peut amener des personnes à être addictes à cela et dévier leur comportement. Et donc voilà des personnes qui demain peuvent être facilement utilisées par les puissances sataniques pour après aller commettre quoi? Des meurtres, des dévastations. Parce que quand on écoute par exemple l'histoire, et je crois aux États-Unis, il y a un garçon dernièrement qui est allé tuer plusieurs personnes et on lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à le faire. Il a dit qu'il entendait une voix qui lui a dit d'aller le faire. Et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Parce qu'il passait beaucoup de temps devant la télévision. Donc voilà comment quelqu'un a commencé à communier avec des démons sans se rendre compte. Et quelle a été la répercussion, quel a été le fruit? C'était le meurtre de beaucoup de personnes. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, ça montre effectivement le danger extrême que peut avoir la télévision, comment la télévision peut mettre une personne, peut amener une personne à vivre hors de la société, à devenir des automates. Voilà le mot que je cherche, à devenir des automates. Donc, c'est effectivement quelque chose de très dangereux, assez parlant. Je retiens que le frère Francis a dit que la télé fait des gens devenir des automates, et qui dit automate dit robot, dont la télévision a pour but de robotiser la société. Et quelle bonne société robotisée si ce n'est pas en commençant par des enfants, qui les enfants qui sont censés être les fers de lance de la nation sont robotisés dès l'enfance. Et nous avons vu dans cet extrait de vidéo justement comment cette femme là a dit l'enfant est né sans handicap, on lui a donné l'handicap. Le frère Camille, quelle est ton idée? Et là, comme le frère Francis mentionnait le cas des vidéos de Japon, dans la suite, nous allons voir quoi, une ou deux vidéos justement de Japon, on va voir. Ou remarquer effectivement ceux qui sont du Japon, de Singapour et autres, la majorité d'entre eux portent des verres, puisqu'ils sont exposés à des rayons ultraviolets, à ces rayons-là, des rayons magnétiques, chaque fois, ils sont constamment devant les écrans. La majorité d'entre eux portent le verre à cause de cela, passant le temps devant l'écran. Le frère Camille, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cette vidéo-là maintenant? Le frère Francis a tout dit. Donc on arrête aujourd'hui, on quitte la route. Non, je dis qu'il a tout dit sur l'image, surtout dans un sens que la société, quel qu'en soit, le but, le pourquoi la société fait ça, parce que ils savent que les enfants sont vraiment, ils savent que les enfants sont l'avenir de demain. Mmh. Et sachant qu'en allant biaiser l'avenir de demain, on les attend dans le futur. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si on sème un arbre aujourd'hui, on attend des années pour pouvoir recueillir les fruits de ça. Mmh. Alors, ils savent vraiment que en faisant ça, dans ces enfants-là, que pas, on a dû des produits, comme le frère français a dit, des automates et des robots. Et c'est ce que nous étions, c'est ce que tu as amené bien aimé, c'est ce que j'étais avant. J'ai que c'est tellement l'image là, les images de la télévision sont en moi, que à mon état, je ne vois même pas. Ça circule en boucle en moi, que pas. Explique-nous ça. Explique-nous ça. Ça veut dire que tu es devenu, par exemple, la CIA TV du Canada, quoi. C'est que je ne regarde pas la télé et souvent, souvent ce qui se passe, il y a un effet que ce qui se passe, souvent, ça veut dire être en train de regarder une vidéo et je suis couché, je suis comme si je suis endormi, mais dans ma conscience, j'entends la vidéo, c'est comme si c'était dans les rêves. Après, c'est quand je me rends compte que non, c'est que elle voit une vidéo et c'est comme ça ta conscience a capté. Mmh. Tu vois un peu. Et souvent, et quand elle fait comme ça, directement, je vois la vision avec la vidéo là. Sans que je regarde la vidéo, je vois vraiment la vision de ce qu'elle voit dans mes rêves. C'est terrible. Terrible. Je te dis, mon frère, l'impact que la vidéo, jusqu'à aujourd'hui, à 40 ans, peut-être qu'on est, il y a peut-être plus de 35 ans qu'on a vu la télévision. Frère, pour la vision, c'est stocké où en moi. C'est grave. Donc, ton disque dur doit être formaté, mon frère. Mon frère, si j'ai besoin de la délivrance. C'est grave. C'est ça, je dis, mon frère, que si c'est comme ça qu'on a en train de bâtir cette jeunesse-là, ça va être la même chose. Peut-être pour nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu le Seigneur a permis que ça soit coupé. Mais pour ceux qui ne savent, parce que le monde, eux, ne savent pas. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous savons que dans le but, l'objectif qu'ils sont en train de. C'est l'objectif qu'ils sont en train d'amener. Et nous, vraiment, on sait aussi que le Père nous révèle encore les choses qui sont plus cachées encore derrière, que nous ne connaissons même pas. Mmh. Mais je dis seulement merci au Seigneur que on est en train de partager vraiment, de partager sur ce phénomène-là qui. Et aussi un fléau au milieu des enfants de Dieu. Oui. Bon, maintenant, avec le recul maintenant, est-ce que si à cet instant, si on te disait à ce moment, voici, c'est dangereux, est-ce que tu comprends effectivement la personne qui te donne le sonnet de l'âme que c'est dangereux? Est-ce que à cet instant, tu pouvais comprendre? À l'instant, je ne peux pas comprendre, frère. Mais aujourd'hui, quand je regarde la mesure, et non seulement il y a des statistiques qui ont été données, et on disait que dans un sens, le monde, eux-mêmes dans le monde, ils appellent la télévision la distraction. Divertissement. Ils appellent ça le divertissement. C'est une distraction. Et dit que comme ça joue, la dopamine, c'est comme le frère a dit, c'est une drogue. C'est une drogue qui nous attire. C'est comme de l'aimant qu'on met quelque part pour nous attirer. Parce que comme c'est en nous, là, frère, il y a donc c'est quelque chose qui est en nous qui cherche encore à aimer ces choses. Comme tu as bien expliqué, que c'est comme l'œil. Donc ça cherche encore à attirer, ça nous attire encore vers cet objectif-là pour voir, pour dire mais qu'est-ce qui est dans. Mais le problème est que si vraiment le Seigneur vous ouvre mes yeux pour que je vois réellement le faisceau qui entre dans mes yeux, comme dans un sens là, vraiment, frère. Je pense que je. Mais bon, qui suis-je, mon frère? Je suis qu'un petit homme, je suis qu'un mortel. Un mortel qu'on veut tuer devant la télévision. Ouais. Mais j'ai besoin de la délivrance, vraiment, vraiment, parce que c'est comme souvent dans un sens, je parle du frère qui sortait de la maison après l'entendre la musique, qui chantait. Après, il pensait que c'était le bar du voisin qui t'a fait chanter. Oui. Alors que le bar est à lui. Oui. Alors, sur le site, puisque nous sommes dans le Canada de la Sainteté, sur le site cfq.qc.ca, nous lisons, c'est le 19 janvier, je crois que vous avez cela devant vous, pouvez le consulter maintenant. Nous lisons en grand une cette recherche qui a été faite justement au Canada en disant les enfants et la télé, attention, danger. Les yeux rivés sur l'écran, votre enfant ne répond plus à l'appel. Hypnotisé par son dessin animé favori, il semble avoir coupé tout contact avec le monde extérieur. Depuis une heure, il est totalement omnibulé par les images qui défilent devant ses yeux. Son émission préférée n'a rien de bien nuisible, croyez-vous? Pas si inoffensif qu'on puisse l'imaginer à en croire les résultats d'une étude réalisée par des chercheurs de l'hôpital Sainte-Justine de l'Université de Montréal et de l'Université de Michigan. Donc ça veut dire que c'est un danger que même les mondains ont commencé à comprendre qu'il faut étudier cela. La bataille grave dans le camp satanique aussi. Plus de doutes possibles, l'exposition précoce à la télévision. Je crois que vous avez cette question de lire devant vous, non? Voilà. Plus de doutes possibles, l'exposition précoce à la télévision a des effets. On dit plus de doutes possibles. Donc ça ne se discute pas chez les mondains. L'exposition précoce à la télévision a des effets négatifs et durables sur les très jeunes enfants. L'étude publiée dans Archives et Pediatrics and Adolescent Medicine révèle que les enfants exposés à la télévision dès l'âge de 2 ans sont plus à risque de développer des difficultés d'apprentissage et des mauvaises habitudes pour la santé. Au total, 1314 enfants québécois ont pris part à cette recherche qui fait partie de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, ELDEQ. Leurs parents devaient indiquer le temps passé devant la télévision à 29 mois et à 53 mois. Leurs enseignants évaluaient leur performance scolaire et psychosociale ainsi que leurs habitudes de santé à l'âge de 10 ans. Voici donc la citation. Nous avons découvert que les enfants d'âge préscolaire qui regardent trop la télévision sont plus susceptibles d'être obèses à 10 ans. Ils sont moins attentifs en classe, réussissent moins bien en mathématiques et risquent davantage d'être victimes par leurs compagnons de classe, affirme Linda S. Pagani, auteure principale de cette étude, professeure à l'école psycho-éducation de l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. La petite enfance est une période essentielle pour le développement du cerveau et du comportement, ajoute-t-elle. C'est entre la naissance et l'âge de 5 ans que débute le réseautage. Chaque activité est propice au développement cognitif, comportemental et moteur. Regarder la télévision est une activité passive sur le plan intellectuel, d'où l'importance de ne pas y exposer les enfants de moins de 2 ans. Après 2 ans, le temps d'exposition ne devrait pas dépasser 2 heures par jour. Malgré ces recommandations précises de l'American Academy of Pediatrics et de la Société canadienne de pédiatrie, la professeure constate que bien des parents minimisent ou ne connaissent pas les effets néfastes que peut avoir la télévision sur leurs enfants. Elle dit, beaucoup de gens pensent que la télévision est éducative. Souvenez-vous, ce n'est pas un chrétien, c'est un mondain. Pourtant, cette étude démontre que l'exposition précoce à la télévision a des effets nocifs chez les jeunes enfants. Il ne fait aucun doute que les heures passées devant la télé se substituent autant qu'il serait possible de consacrer à d'autres activités plus enrichissantes et favorables au développement cognitif, comportemental et moteur de l'enfant. Vous pouvez lire cela donc dans le CFQ 2, volume 23, numéro 1. Maintenant, la sœur Suzanne Solange, c'est fatal de voir que ce sont des chercheurs mondains qui résolvent ceci et donnent ceci et disent que les parents ignorent cela. Ils disent que ce serait bien plutôt qu'on transforme le temps que les enfants doivent passer devant la télévision à des choses qui bien pour développer leur cerveau. Que dit des chrétiens maintenant avec ces genres de recherches données maintenant, selon toi? Ou mieux encore, quelle est ton impression déjà à la lecture donc, de cet article-ci? Moi, quand je lis ça, je dis oui, c'est tout ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que quand on regarde les enfants que le Seigneur nous a donnés, on peut le constater. Mais d'un autre côté, je trouve que la société est aussi hypocrite, parce que c'est elle qui dénonce cette problématique, mais c'est encore elle qui nous propose autant d'écrans. Dans les écoles, ce sont eux encore qui présentent des écrans aux enfants. Ce sont eux qui les exposent aux tablettes. Donc, l'école maintenant est devenue... L'école Android. L'école est devenue Android. Donc, à la maison, tu peux demander à ton enfant de ne pas regarder telle ou telle émission, mais à l'école, ils vont exposer ces enfants-là à regarder ces émissions-là. Donc, Oui, pour ce que la dame s'y a dit dans cet article, ce que la recherche a démontré, parce que moi-même, en observant, j'ai pu aussi le constater. Et je pense qu'on avait fait l'enseignement dernièrement, enfin, au mois de décembre, je pense, hein, on avait un peu évoqué la télé. Et à ce moment, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à être très attentive sur la télé en ce qui concerne les enfants. Parce que en fait, j'étais vraiment exposée à la télé. Bon, c'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose, mais il m'a quand même donné les outils nécessaires pour commencer à sortir les enfants, à les détourner de la télé. Chose que j'ai commencé. Parce que les enfants, quand ils sont exposés devant la télé, en fait, ils sont absorbés par tout ce qui s'y passe et ça puise les énergies positives des enfants. Ça rend les enfants colériques. Ça brise les liens familiaux parce que on s'assoit devant la télé, c'est la télé qui nous enseigne maintenant. Donc, on va dire que c'est Satan qui enseigne la famille. On pense qu'on passe du bon temps en famille alors qu'il y a des choses qui sont déposées dans le cœur des enfants qui vont finir par créer des problèmes aux parents même. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut venir délivrer les parents parce que on a beau écrire on a beau faire ces recherches-là, mais on se rend compte qu'en fait, c'est spirituel. Tant que le Seigneur ne vient pas t'apporter cette révélation-là, tu vas penser que c'est du blablabla, blablabla. Ah bon. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est encore ceux qui se définissent comme cartésiens qui vont contester ce genre de recherche. Vont contester ça. C'est ça encore qui est le plus surprenant. Alors que c'est un cartésien qui a fait cette recherche, tu vas le présenter à un cartésien pour dire, mais regarde ce qui est écrit, tu peux écouter, c'est n'importe quoi. C'est juste pour se divertir. Ils vont bien utiliser le mot, c'est juste pour se divertir. Mais ils n'ont pas la portée spirituelle pour comprendre c'est quoi le divertissement. Parce que aujourd'hui, on est tellement exposé aux écrans, c'est des journées et des journées. Vous imaginez, encore dans nos pays nordiques, si là... Nous allons revenir en profondeur, le temps de dire bonsoir à notre bien-aimé Eden qui vient d'arriver là maintenant. Nous disons que Eden, c'est une définition même, pas Eden, pas le jardin de plaisir. Bonsoir, bienvenue au frère Eden. Bonsoir, frère Junior. Je ne me suis pas trompé en disant bonsoir, que Eden, ce n'est pas un nom, Eden, c'est une définition, un anachronisme, n'est-ce pas? Bon, il a dit que pour le micro à cause du jardin qui s'est présenté déjà chez lui. La soeur Alphonsine, je suis à toi maintenant. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Oui, bonsoir frère. La société moderne nous a présenté une bonne famille comme les gens dont le papa travaille, la maman travaille. Chaque personne a sa voiture, les enfants ont leur vélo, chacun a sa chambre. Et pendant que nous parlons maintenant, il y a d'autres personnes qui nous écoutent. En face d'eux, dans leur chambre, est affiché en haut un écran plasma. Le papa se met dans le temps avec sa télécommande. Il y a deux télécommandes en vis là-bas. Ou si c'est du côté du chevet de l'homme, il y a une télécommande. Du côté du chevet de télécommande de chevet de la femme, il y a la télécommande. Dans la chambre des enfants, il y a aussi pour eux là-bas, de l'autre côté là-bas. Et puis, au salon, il y a un grand écran placement. Quelqu'un a démontré le doigt ici. Il ne m'adresse pas à quelqu'un. Oh. Je suis en train de parler. Il dit, quelqu'un nous écoute maintenant. Ça se passe comme ça. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses ici là. Canada dans la sainteté, bonsoir à vous. Bonsoir frère. Je vous aime. Bonsoir. Oui, je vous aime. Chez Camille Bana là-bas, c'est chaud là-bas. Alors donc, remarquez, cette famille, s'il fait comme ça, c'est une famille dont noble, le standard du monde. Alors quand le père, la paix et la mère veulent se reposer, ils sont dans la chambre pour le papa, le grand matin, il voit Erosport, il voit un peu, pour celui qui aime National Geography, voit un peu Ushuaïa pour voir maintenant comment la nature, il dit, hey, Dieu est bon vraiment, le monde est chez nous. Avec la neige qui est dehors, il ne compte pas sortir. Il tire la couette, il met sur lui, il passe son temps à zapper. Entre temps, sa Bible là-bas. La Bible touche au chevet. Et sur la Bible qui est au chevet se trouve la télécommande qu'il y a déposée. La télécommande, comme la Bible se trouve comme ça, la télécommande est dessus. Il a pris la télécommande, regardez bien la Bible comme ça. Et puis dit dans son pensée que le frère Junior dérange. La Bible veut comprendre. Et puis il pointe la télécommande là-bas, il zappe chaîne après chaîne. Et comme ça ne suffit pas, à son chevet se trouve la liste des bouquets. Canal Plus lui dit, ce bouquet-ci, bouquet 1, a 360 chaînes. Il lui présente dans Voix Plus les différentes séries qu'il y a toute la semaine. Il prend une feuille, il note qu'à 21h, je vais voir telle chose. C'est la programmation d'être programmé, dont il a été programmé comme ça. Donc, on lui a proposé les programmes qui doivent se programmer. Il accepte le programme. C'est la fonction, je suis avec toi. J'ai dit donc, voici une famille donc moderne qui est standard, dont les enfants ont leur télévision. Parce que quand ils veulent déranger, allez dans votre chambre. On les met TG. Il commence à entendre, il commence à se comporter d'une certaine façon. À un moment donné, la chaîne est changée subitement en une chaîne où les gens s'embrassent sans qu'ils se rendent compte. Entre temps, les parents sont dans leur chambre. Les visiteurs qui sont à la maison sont dans notre chambre. Chaque personne a sa télévision. Voilà donc la société moderne. Chacun est cloté sur eux. Remarquez bien la chose. Bloc après bloc, dans une même famille, dans une même maison, chacun dans son bloc, cloîtré là-bas pour être éduqué avec ce qui est proposé au mur. Quels sont les dangers, la sœur Alphonsine, avec ce qu'elle venait d'écrire? Ah oui, mon frère, je pense que ça fait déjà une famille complètement divisée, puisque chacun est dans son petit cocon, il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Étant dans l'enseignement, moi, du moins, ce n'est pas seulement la télévision, quoi, c'est tout ce qui est écran. Nous touchons la télévision, principalement parce que la télévision, c'est la grande mère, un peu comme l'Église catholique, c'est la grande mère de toutes les dénominations, oui, d'accord? Nous commençons par elle. Oui, c'est la grande mère, comme tu dis. Je me rappelle à l'époque, à la CMCI, le frère Zach qui est décédé déjà, il disait... qui est parti dans la gloire. Il parlait beaucoup des dangers de la télévision. Quoi. À l'époque, les gens ne le comprenaient pas. Et puis après, la plupart des chrétiens de la CMCI n'avaient pas de télévision chez eux. Et quand il est décédé... Parce que le frère Zach dérange. Comme quand il veut quitter cette maison, dès que le coup, là, finalement, il est parti. Oui, vas-y, continue, ma soeur. Oui. Donc moi j'étais très proche des chrétiens de la CMCI et puis donc depuis là j'avais compris vraiment les dangers de la télévision, ce qui fait que même déjà à partir de chez nous la télé ne m'intéressait pas beaucoup vu que du moins ce qu'on y voyait n'était pas toujours très bon pour nous quoi forcément. J'allais à la télévision quelquefois pour regarder le journal, les informations. Oui, mais avec le temps, étant arrivé au Canada, j'ai un peu remplacé la télévision par l'ordinateur. Donc, c'était presque la même chose. Donc, je suis partie de la télévision que je n'aimais pas beaucoup depuis le pays. Tu as quitté l'église catholique parce que là-bas, comme tu étais catholique, tu es arrivé dans un pays où il y avait plutôt l'église protestante. Tu es allé là-bas parce que ses cousines, oui, continuons. Oui, en quelque sorte, oui. Donc, je regardais surtout l'ordinateur, quoi. Je regardais peut-être des émissions sur YouTube. Puisqu'à l'ordinateur, je pouvais choisir quand même ce que je vais regarder à la télévision. Il y avait plein d'émissions qui passaient. Bon, toujours pour rester dans le cadre de la télévision, je dirais que même chez moi, à la maison ici, je peux voir les effets néfastes sur les enfants. Quelquefois, ils sont devant la télévision avec leur père, mon mari qui est non-croyant. Je peux appeler un enfant 10 fois, il ne regarde pas, quoi. Il y a ce déficit d'attention et les classes. Dans les salles de classe, nous observons la même chose également. Et nous venons lire tout ce que tu as dit là, dans le document dont le rapport a été fait là tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, vraiment le déficit d'attention, quoi. Déficit d'attention, comme je l'ai dit au tout début, les familles sont très disloquées, il n'y a pas de dialogue entre les membres d'une même famille, quoi. Chacun est concentré un peu devant son écran, pour ceux qui ont des télévisions dans les chambres, dans toutes les pièces de la maison, chacun est dans son petit monde, quoi. À l'issue de des différentes vidéos, la dernière vidéo va vous montrer exactement ce qui s'est passé à Yaoundé quand nous avons prêché là-dessus. La dernière fois, nous sommes allés à Yaoundé pour prêcher. Vous allez voir ce qu'il en est en vidéo, ce qui s'est passé à Yaoundé. D'accord, mes soeurs? La soeur Alphonse, avant de te quitter, je reste avec toi. Tu as dit que tu es enseignante. L'une des techniques de votre enseignement, c'est d'essayer d'être dans la peau de la personne qui suit ce que vous lui donnez pour essayer de comprendre ce qui crée son blocage. Avec cette casquette d'enseignant, essayez d'entrer dans la peau des gens qui vivent avec cet outil-là. Qu'est-ce qu'ils pensent de cet outil et pourquoi ils ont du mal à s'en séparer? Enfin, tu sais, c'est comme des drogues, quoi. Donc, ils développent une espèce de dépendance. Ils développent une espèce de dépendance, mais avec l'œil de chrétien, on comprend que c'est pratiquement diabolique. Donc, le diable, restons dans le camp des chrétiens, parce que là, nous adressons aux chrétiens, c'est la sanctification maintenant à l'intérieur. On ne sentit pas ceux qui sont à l'extérieur. Restons dans le cas des chrétiens. Il y a des chrétiens, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que quand tu étais proche des gens de la CMCA, qui semblait donc le leader semblait parler, les gens ne comprenaient pas. Au fur et à mesure, maintenant, ils comprennent. Enfin, comme il n'y a pas le leader maintenant, personne, c'est la débandade totale là-bas. Il y a d'autres maintenant qui ont même trois chez eux. Que paysage se dérangeait, qui n'a pas dit ça à Jésus là-bas. Alors maintenant, dans le cas des chrétiens maintenant, alors qu'on est en train de prêcher ces choses, on dira effectivement que, ok, si vous voulez comme ça quitter le monde, n'utilisez plus le portable, ne portez même plus les habits parce que Jésus-Christ marchait là-bas, ne prenez plus la voiture. Qu'est-ce que tu en dis en tant qu'enseignant? N'est-ce pas une fuite en avant que ces personnes utilisaient, c'est autre chose là? Ah, mon frère, moi je pense que nous devons user de beaucoup de discernement. Mm. Bon, le discernement dans quel sens? Bon, si je quitte par exemple le cadre de la télévision, je me limite au téléphone portable. Mm. On doit peut-être savoir comment l'utiliser, quoi. Si un chrétien par exemple doit passer des journées ou bien de longues heures sur WhatsApp par exemple, bon, là je pense qu'il utilise mal il utilise mal cet objet. Mm. On peut l'utiliser par exemple pour nos communications, mais passer des heures à regarder plein de choses sur WhatsApp. Moi, je me dis qu'on doit toujours user de beaucoup de discernement dans tout ce que nous faisons. Oui. Oui, c'est alors, la soeur Afonso, je reste avec toi. Vous avez WhatsApp, vous pouvez désinstaller. Utilisez seulement votre message et votre appel. À la télévision, on vous propose des chaînes sans votre avis. C'est eux qui décident ce que vous allez. Et en plus, un journaliste vient là-bas après avoir fait ses études de manipulation à l'école des sciences, des techniques et des communications souterraines. Il vient se positionner là-bas et te regarde bien dans la télévision, droit dans la caméra. Il te dit, regardez-moi, chers spectateurs et téléspectateurs dans le monde entier, nous sommes ici parce que vous êtes là. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas là, il ne pourra pas être là, pas frère, ma soeur. C'est vrai, mon frère, oui. Est-ce qu'il demande votre avis avant de vous servir ce que vous voudrez, qu'il veut que vous serviez, que vous compreniez? Non, mon frère, moi, je me dis que c'est des choix que nous faisons, tu vois. Par exemple, ceux qui ont la grâce d'avoir des maris qui sont croyants, les femmes qui ont la grâce d'avoir des maris croyants. La seule grâce, tu parles de la seule grâce ou bien de la grâce qui est la grâce normale? La grâce du Seigneur, mon frère. Ok, la grâce du Seigneur, oui. Je crois que tu parlais de la seule grâce. Les ceux qui ont, j'ai compris que tu as dit. Ils sont croyants. On peut carrément se passer de la télévision. Mon frère, je pense que c'est des choix que nous faisons. On peut se passer de la télévision. Je me rappelle, je sais que quelquefois à la maison, je vais dire à mes enfants, ne regardez pas telle chaîne, telle chaîne. Mon mari va dire, mais c'est pas le problème. Et ils vont regarder tous ensemble. Donc, tu vois un peu, donc, c'est des choix que nous faisons. Parlant de cela, vous êtes assis en famille et que vous allez voir, par exemple, Nollywood. Et ça arrive au moment où un garçon nigérien, une fille, te tourne avec le derrière emballé comme le saucisson. Et comment ça fait? Quelle est la réaction entre vous, les parents et les enfants? Comment vous faites cela? Ils doivent s'embrasser. Mon frère, je vais dire la vérité. Moi, je ne regarde pas la télévision à la maison. Je ne regarde pas. Et puis, mon mari ou mon chef, comme on dit. Quelquefois, qui l'appelle chef, c'est toi que c'est moi, c'est pas mon chef, c'est ton chef. Il essaie, oui, mon chef. Oui, il essaie de sélectionner un peu ce qu'ils vont regarder, quoi. Mais si ça dépendait de moi, on supprimerait carrément la télévision à la maison parce que moi, je ne la regarde pas du tout. Et quel est l'impact donc dans ton propre foyer? Quel est l'impact donc de cet objet parlant, là, ces démons parlant, effectivement, bien orné et dont vous dépensez chaque fois? Non seulement en temps, ou de penser avec l'argent, avec l'abonnement et toutes les autres choses, avec votre temps. Quel est l'impact de ça sur les enfants, sur l'éducation des enfants, et donc sur votre relation à vous deux? L'impact sur les enfants, bon, chez nous, par exemple, on a une certaine discipline, je vais dire. Il n'y a pas de télévision en semaine. Alors, les enfants vont regarder la télé le vendredi soir, généralement le vendredi soir, et un peu le samedi, et puis c'est tout. Donc, en semaine, toutes les télécommandes sont gardées, la télé est débranchée. Donc ça, c'est la discipline de notre maison, quoi. Avant d'être sorti, maintenant, ne dis pas que Justin a été fusillé ce soir, d'accord? Oh, mon frère, c'est correct. En tant qu'éducationniste, s'il arrive donc dans votre maison, il y a, par exemple, un tissu qui sert de la contamination de la maison, que faudrait-il faire avec ce tissu? Un tissu comme quoi, mon frère? Vous avez acheté par exemple quelque chose au supermarché et que ça en est de contaminer votre maison. Vous vous rendez compte que finalement, voici ce qui crée problème dans la maison. Que faudrait-il faire? Non, mon frère, on va le jeter tout simplement. Voilà, donc je me tourne du côté de la soeur de la soeur de la rue. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Dans la première vidéo que nous avons vue, le médecin qui s'occupait de cet enfant a dit l'enfant est né sans handicap, on lui a fabriqué des handicaps. Donc, nous tuons nos enfants avec notre argent, l'enfant que Dieu nous a donné, qu'on éduque, on tue les enfants, on crée de l'handicap. Plus tard, on va aller chercher l'argent pour dépenser, pour chercher cet handicap sans connaître la source du problème. Donc, la télévision serait la source du problème de certains handicaps de nos vies sans que nous sachions comment, n'est-ce pas, la soeur de la Roche? Qu'est-ce qu'ils font faire pour résoudre ces handicaps? Ah, mon frère, pour cet handicap, il faut tout simplement éloigner l'enfant de la télévision. Vraiment, l'enfant lui, il est à la maison. La télévision vient de le trouver, même s'il est né après la télévision. Comment, vous devez l'éloigner de la télévision, comment? Donc, vous le sortez de la maison, vous construisez sa part des ranches. Non, on peut débarrasser, il faut vraiment se débarrasser de la télévision et remplacer la télévision par des activités d'apprentissage. Parce que la nature a horreur du vide. Tant que tu enlèves la télévision et que tu remplaces par ça par une autre activité à partir de laquelle l'enfant peut apprendre, il va absolument se sentir, il va s'ennuyer, il vient dire ici, je m'ennuie. C'est une société d'indépendance, d'impatience justement, je m'ennuie. Oui, c'est ça. Oui, les enfants bien qui s'ennuient quand l'appareil n'est pas branché. Tu revends beaucoup de grâce. La télé, elle est dans la maison, mais elle n'est pas vraiment branchée. Alors, ce que moi je fais le plus souvent, ça m'a permis aussi de faire une formation en tant qu'enseignante. Je fais beaucoup d'activités avec les enfants, je dessine avec eux, je leur apprends à former des lettres. Je passe mon temps comme ça avec eux, avec des chansons. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment trop d'impact sur les enfants. Je n'ai pas encore vraiment vu l'impact de la télé sur les enfants. Puisque justement, ils ne passent pas du temps là devant. Vous dites quoi, frère? Puisqu'ils ne passent pas du temps devant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop ces effets-là. Ils ne passent pas vraiment du temps devant la télévision. Oui. Par contre, quand on rend visite à des connaissances, ils sont comme... C'est un peu comme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ils découvrent quelque chose de nouveau et puis ils sont comme concentrés tout le temps devant ça et bon, ils sont obligés de les amener hors de la zone. De l'espace où se trouve la télévision et puis bon, c'est vrai, ils voient ça, ceux-là prennent ça mal, que j'exagère avec l'enfant, mais il n'y a que moi qui comprend ce que cela peut avoir comme impact dans la vie de l'enfant. Ils essaient de dire quand même que soit un peu attendri, donne-le un peu de poison. La soeur Flore Karine, bonsoir. Peut-être, ou bien la soeur Karine dort directement, ou bien son mari est déjà là. On passe à qui là maintenant? Le frère Eden, rebonsoir. Si c'est la maternelle chez toi, mon frère, tu fermes directement le micro, on passe au frère Camille. Oui, j'ai pas trop le choix de garder le micro fermé. Oui, c'est la maternelle. Le frère Camille. Le frère Camille est là. Oui. Imaginons un scénario dans une maison où le papa va au travail, la maman est exténuée par les différents enfants qui font des problèmes, des enfants qui cassent tout la maison. La seule possibilité pour cette famille-ci revient à ce que la maman met la TNT là-bas, elle met le volume pour que ça chante pour distraire l'enfant. L'enfant voit au point et tombe et dort. Ce serait bien, non? Parce que ça permet à la maman de se calmer quand même, d'avoir un peu de relève. Il y a des choses que je veux me dire, mais le cœur me dit seulement garde ce mal intérieur. Parce que c'est les mêmes qui sont assis pour dire Seigneur, donne-moi l'enfant. C'est les mêmes. Et aujourd'hui, on en dit de dire. Et aujourd'hui, on en dit de détruire ce qu'on a demandé à Dieu. Ça, c'est un point très important de souligner justement. Donc, nous touchons là l'éducation et les responsabilités de la maman devant le Seigneur. Et là, c'est l'une des choses que Dieu va exiger à la femme. Parce que la Bible va même plus loin pour dire que les femmes stériles sont insatiables devant Dieu comme l'enfer qui ne cesse de dire donne les âmes ici. Finalement, quand Dieu donne les âmes, quoi, donne l'enfant, elle doit maintenant attiger d'enseigner. N'est-ce pas, mon frère? C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, frère. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je me pose la question que, mais qu'est-ce que nous voulons avec? Qu'est-ce que nous voulons vraiment devant le Seigneur? Il veut déjà les enfants qui ont dit que Jésus grandissait dans la statue, il craignait ses parents. Il croyait qu'il voyait ça qu'à la télévision. Le frère Francis. Est-ce qu'il est là encore, le frère Francis, du coeur? Oui, je suis là. Après avoir fait le random, après cette première vidéo et avec cette lecture que nous avons vue sur la recherche faite par cette chercheuse-là au Québec et à l'Université de Michigan, nous comprenons effectivement qu'il est temps franchement qu'on mette le doigt sur cette affaire de la télévision avant qu'on ne passe aux prochaines vidéos. Nous voyons effectivement le danger, donc nous commençons à voir petit à petit les dangers de ces choses-là sur les effets. Ça, c'est pour les tout petits, on n'a pas encore touché pour notre vie parce que l'aspect de notre vie spirituelle doit être effectivement examiné. Nous commençons à voir, disais-je, frère Francis, qu'en fait, il y a un danger sur la télévision dont les gens ne veulent pas faire, ils veulent jouer à la politique de l'autruche. Effectivement, on peut rendre tout compte. La première chose qu'on peut déjà tirer comme conclusion, c'est que la télévision a le pouvoir d'éduquer un enfant. Nous sommes en train de parler du cas des enfants. on se rend effectivement compte que la télévision a cette capacité-là d'éduquer un enfant. Or, nous savons que l'éducation est la base même qui va former une personne, qui va amener une personne à se déployer ou bien à se manifester dans la société. Donc, étant donné que les personnes qui sont derrière cette télévision-là ou bien qui fabriquent ces programmes-là, ils ont un but bien précis, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas en vain qu'ils le font. Derrière les différents programmes qui sont manifestés au travers de la télévision, il y a un but précis qui est fait. C'est-à-dire on a envie d'inculquer un certain nombre de manières de penser, un certain comportement, une certaine culture, une certaine croyance même. Donc, dès le bas âge, quand on commence à mettre nos enfants à face de la télévision, ça veut dire que clairement, on est en train de laisser la télévision inculquer, éduquer nos enfants et le fruit est tout de suite manifesté. On ne sera pas surpris que demain, un bon nombre d'entre eux deviennent des homosexuels, deviennent des lesbiennes, deviennent des tueurs, bref, en fonction des programmes que chacun peut suivre, il va développer un certain comportement, il aura une certaine orientation dans la société. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ferme les yeux là-dessus, bien qu'on ne ferme pas les yeux là-dessus, la télévision a un impact négatif sur l'éducation des enfants. Donc, c'est quelque chose, par essence, qui est nocif. Et la responsabilité en revient d'abord aux parents. Parce que un enfant qui grandit dans une famille où il ne voit pas ses parents le faire, ben, naturellement, il ne le fera pas non plus. Si on a déjà mis des limites et si il arrive dans une maison où il n'y a pas de télé, ben, il sera habitué à ce qu'il n'y a pas de souci à être dans un endroit de télé. Mais si ses parents lui donnent l'opportunité d'être devant la télé, ben, ne soyons pas surpris. Donc c'est effectivement une grande responsabilité qu'ont les parents de ces enfants-là, de pouvoir les encadrer, de pouvoir mettre déjà tout de suite les bases solides pour que ces enfants-là ne tombent pas dedans. Donc j'étais un enfant quand un enfant, par exemple, dérange et que l'on a envie de se reposer et qu'on dit bon ok, je vais aller me débarrasser de lui en le mettant. En mettant cet enfant devant TJ et autres, ben c'est une grande responsabilité, c'est carrément empoisonner son enfant, c'est mettre son enfant entre les mains de Satan et dire Satan, éduque mon enfant. Et par la suite, regardons les conséquences. Ça va être des pleurs, ça va être des. Les gens ne vont pas être, ne vont pas savoir pourquoi est-ce que mon enfant, effectivement, on ne l'a pas. Je ne dis pas mon enfant, dans ma maison, il n'y a pas de gros mots, je ne dis pas de gros mots. Mais je ne sais pas où est-ce que mon enfant prend de tels gros mots. Ben, la raison est simple. Il a pris quelque part et généralement, c'est à la télévision qui prend ses gros mots. Donc, la télévision, déjà, pour l'enfant, est nocive. Et la solution absolue, pour ceux qui craignent le Seigneur et pour ceux qui veulent éduquer les enfants dans la crainte du Seigneur, ben, c'est de se débarrasser de la télévision. Voilà mon frère. Et tu fais bien de le signaler que dans les tranches d'âge, là, effectivement, nous voyons effectivement, comme on a vu dans cette document, mais encore ces résultats de recherche, là, quand 2 ans et 5 ans, c'est le moment par excellence d'inculquer dans le cerveau, dans le cervelet de nos petits-enfants, les valeurs. Et si ces valeurs manquent, les enfants sont robotisés et le comportement de l'enfant commence à changer dans le sens contraire des aiguilles, de la rotation des aiguilles d'une montre. Avant de passer à la deuxième vidéo, là, je pose la question à la sœur Suzanne. La sœur Suzanne, tu es avec moi? Oui. Les médias en général et la télévision en particulier sont appelés médias. Médias qui veut dire médiateur. On les appelle le quatrième pouvoir. Lorsque les coups d'État sont organisés dans un pays, les médias sont la cible. Parce qu'avec cela, on peut donner les informations. Et par conséquent, on les appelle quatrième pouvoir. Ceux qui sont le quatrième pouvoir. C'est vrai, on dit effectivement, il faut qu'on comprenne effectivement qu'avec cela, on détient le monde. Pas vrai? Si dans un pays, on peut manipuler tout un pays à cause d'un média. Et ici, c'est nous parlons du monde entier. Et comme la Bible le révèle, quand l'Antichrist va venir, c'est au travers de cela qu'il va effectivement impacter le monde entier sur la planète Terre. Quand dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 3, quand les deux témoins seront tués, c'est sur la télévision, au travers des médias, qu'on va voir effectivement comment ils ont été tués. Et les gens vont s'envoyer les SMS justement par WhatsApp pour faire des transferts, envoyer cela sur Facebook. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans les Saintes Écritures. Nous voyons effectivement que c'est programmé par l'Antichrist pour, comme canal pour trouver, pour toucher la masse du monde. Alors la question que je pose maintenant, en tant que média, n'est-ce pas la télévision commence petit à petit à prendre la place de Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Exactement. Voilà. On revient maintenant. Prenons donc cette deuxième partie de la vidéo. Dites-moi tout simplement si vous voyez déjà la vidéo sur votre écran. Comme le frère Francis signifiait que ça fait un certain... Il appelait ce qu'il était en train d'appeler nettoyage et notre comportement qu'on va changer. On appelle donc ça en langage simple pour être un peu plus bon avec les gens. On appelle ça le lavage des cerveaux. Vous voyez déjà mon écran déjà, n'est-ce pas? Quand vous voyez ces vidéos-là, vous pouvez prendre les titres qui sont en haut là parce que vous pouvez prendre les recherches, vous pouvez taper vous-même sur YouTube pour retrouver ces vidéos. Parce que ces vidéos, c'est fait à 11. Et voici la deuxième partie, c'est fait en deuxième partie. Je crois que vous pouvez voir, c'est la publicité tirée, un mode de vie, épisode 1 en introduction. Et là, vous pouvez voir en grand titre, tous les jours, je lave mon cerveau avec la pub. Suivons et découvrons, c'est 2 minutes. Évidemment, un produit culturel, non pas culturel dans le sens qu'il y aurait une culture haute ou basse, hein, dans le sens qu'il y a un produit qui nécessite, pour être compris, d'être inscrit dans une certaine culture, mais aussi que pour fonctionner, doit faire appel à une certaine culture. Donc forcément, comme tout produit culturel, mais je mets, attention, je ne mets vraiment pas de hiérarchie hein, dans la logique culturelle, je ne parle pas de la poésie ou du théâtre, hein, je parle aussi justement de la publicité ou des comics. Tout produit culturel véhicule un mode de vie, c'est forcément le cas. Je suis prêt. Top 2 première. Hiver comme été, mon secret pour une peau dorée, je l'hydrate. L'Oréal Paris. Vous le valez bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Excusez-moi, s'il vous plaît, coupez. Vous avez peut-être reconnu Jenny Haver, sociologue des médias et professeur à l'Université de Lausanne, qui a bien voulu répondre à nos questions concernant le thème de la publicité dont nous allons débattre dans ce podcast. Comme vient de nous l'annoncer Monsieur Haver, la publicité est un mode de vie. Qu'est-ce que cela signifie? La publicité reflète ce que l'on est, ce que l'on veut être. Elle guide notre façon de consommer, notre manière d'être, de vivre. Elle impose un changement à nos habitudes. La publicité existe dans le but d'informer et de pousser les consommateurs à l'achat. Elle nous fait connaître un produit et nous attire sur celui-ci. Elle nous séduit, elle fait réfléchir et elle fait rire. Mais pouvons-nous en rester là? Ou devons-nous nous poser plus de questions au sujet de la publicité? Est-ce qu'elle ne manipule pas d'une certaine manière les consommateurs? Ne crée-t-elle pas de faux besoins? N'entretient-elle pas également des préjugés? N'est-elle pas déguisée? Donc, dans ce sens, ne nous ment-elle pas? La publicité a-t-elle un côté nocif pour les consommateurs? Quoi qu'il en soit, la publicité est omniprésente. Et oui, c'est bien vrai. Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à plusieurs milliers de publicités. Et ceci dans tous les lieux, dont les plus insolites. Même l'espace, par exemple, est habité par la publicité. Pizza Hut a en effet décidé de mettre son logo sur une fusée. Oui, une fusée, vous l'avez bien entendu. Alors, la publicité a-t-elle des limites? Ce podcast est réalisé par Alice Da Silva et Paul Tricarico. Nous tâcherons dans les prochains épisodes de répondre aux questions soulevées précédemment grâce aux interviews que nous avons réalisées. La publicité nous permet, manipule notre vie, manipule et vous propose des choses que vous ne voudrez pas en temps normal vous le faire. Vous propose et manipule votre choix, votre goût. Suivant les deux prochaines vidéos, je crois que vous allez prendre des notes et puis on va commenter. Prochaine vidéo. Sur les dessous de la publicité, si vous pensez en votre fort intérieur, échapper aux messages et aux spots, eh bien voilà qui va peut-être vous faire réfléchir. La publicité est aussi désormais affaire de médecine. Les recoins de nos cerveaux sont analysés, scannés pour affiner le marketing des grandes marques qui ne veulent pas manquer leur cible. Enquête Nathalie Sapena, Mathieu Régnier. Ce soir-là, à l'hôpital Bruegel de Bruxelles, les rideaux sont baissés, les patients sont partis, tous les services sont fermés. Sauf l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, où cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. Elle n'est pourtant pas malade. Sur l'écran qu'on lui installe, va visionner une publicité pour un soda pendant 45 minutes. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. Ce but, c'est connaître l'impact de la publicité sur le cerveau de la volontaire grâce à une machine qui enregistre l'activité cérébrale milliseconde par milliseconde. Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût qui est activée. Ils préfèrent le Pepsi. Mais quand ils connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire, qui s'allume. Cette fois, les volontaires élisent le Coca. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Premier enseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotion négative. Évidemment, s'il y a quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit « Attention, regarde, danger, fais attention !» Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Et voilà ce qui se passe quand la volontaire regarde cette publicité. Les zones conscientes de son cerveau, ici en bleu, celles qui font réfléchir, sont désactivées. A l'inverse, la zone des émotions en jaune est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas. C'est bien pour cela qu'on observe chez les consommateurs des comportements parfois déroutants. Le neuromarketing est désormais enseigné dans les grandes écoles de commerce, à HEC ou ici, au Collège des ingénieurs. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qu'on n'aime pas, parce qu'on va parler quelque part de manipulation. De manipulation, comment vendre des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas envie, au rythme cardiaque. Le professeur est un neurochirurgien, fondateur d'une société de neuromarketing. C'est la même chose. Il conseille de grandes entreprises internationales et françaises. Mais officiellement, aucun des grands groupes que nous avons interrogés n'a reconnu utiliser ces méthodes. Je pense qu'ils ont un petit peu honte d'utiliser ces techniques, mais ils les utilisent pratiquement tous parce qu'effectivement, elles sont efficaces. Grâce aux neurosciences, le marketing est désormais capable de valider ce qui auparavant relevait de l'intuition. Son champ d'action est large. Le neuromarketing pourrait améliorer l'impact des campagnes contre le tabac ou l'alcool. Et il intéresse aussi beaucoup les hommes politiques en période d'élection. Évidemment. Bonsoir Jean-Daniel Frézaquet, vous nous avez rejoint parce que ce reportage, cette enquête suscite beaucoup de questions. Questions techniques d'abord, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que tout cela est vraiment validé d'un point de vue scientifique? Alors vous savez, les publicitaires, ce qu'ils espéraient, c'était trouver dans notre cerveau une zone sur laquelle il y aurait une sorte de petit bouton, il suffirait d'appuyer pour déclencher notre volonté d'achat. Malheureusement pour eux, je dirais, et Dieu merci pour nous, le cheminement qui nous amène à prendre une décision, notre volonté de payer, comme on dit techniquement, est beaucoup plus complexe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît de mieux en mieux les étapes, comme le disait très bien l'intervenant du sujet de Nathalie Sapena, mais on connaît certes les étapes, mais on ne connaît pas encore l'enchevêtrement des décisions entre toutes ces étapes. Donc les publicitaires, les gens de marketing vendent comme science exacte ce qui est encore très souvent un échafaudage d'hypothèses. Deuxième question, peut-être un peu candide. Est-ce que c'est le rôle des médecins de se mettre au service du marketing des grandes marques? Alors là, on n'est pas dans un exercice illégal de la médecine, mais dans un exercice que j'appellerais dévoyé. L'imagerie par IRM, l'imagerie fonctionnelle, est une imagerie très importante. Elle devrait servir essentiellement à démembrer des maladies neurologiques, comme l'autisme ou comme la maladie d'Alzheimer, à savoir comment marchent certains traitements à visée cérébrale. Et là, on est dans un autre genre d'exercice. Je dirais qu'il est fondamental de se servir de cette imagerie, par exemple, pour comprendre les conséquences cérébrales du sida, beaucoup plus que les préférences des consommateurs de soda. Jean-Daniel Frézaquet, merci. Cela vous est-il... Voilà, je crois que ce serait bien que nous suivons si vous le posez. Déjà arrivé d'avoir une terrible envie de manger rien qu'en regardant une publicité, que ce soit à la télévision ou sur une affiche géante dans la rue. Eh bien alors, c'est que le travail des publicitaires a été fructueux. Comme toute autre discipline, la publicité, et plus précisément la publicité alimentaire, a ses secrets. Secrets qui restent bien cachés pour nous, le grand public. Mais c'est fini maintenant parce que vous allez découvrir 6 astuces secrètes de la publicité alimentaire. Les hamburgers. Quand on parle de cas flagrants de mensongère, on pense généralement directement au fast-food et plus précisément aux hamburgers. Que ce soit à la télévision ou sur une affiche, les hamburgers en publicité paraissent toujours énormes, parfaitement en ordre et savoureux. Or, quand tu commandes le même hamburger que tu as vu sur la photo, ce qu'on te sert ne lui ressemble plus du tout. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans la majorité des cas, même la viande que tu vois n'est pas réelle. Elle est faite en polystyrène ou en plastique et peinte à la main afin de créer une imitation presque parfaite d'une viande croustillante. Les autres ingrédients sont séchés minutieusement afin qu'ils gardent un aspect ferme et même les frites sont placées avec des cure-dents une par une afin qu'elles soient bien rangées. Quant à la hauteur incroyable du burger en photo, regarde juste comment ils font. Le lait. Savais-tu que presque toutes les bouteilles de lait que tu vois en publicité ne contiennent pas du lait? En réalité, pour avoir un rendu parfait, le lait est créé avec de la colle blanche et même dans certains cas avec de la crème solaire, histoire d'obtenir un blanc plus intense et avec un aspect plus brillant que le vrai lait. C'est pour cela que même dans les publicités des céréales du petit déjeuner par exemple, le bol est rempli avec un objet dur comme ceci et c'est uniquement sur la partie supérieure que l'on dépose un peu de colle blanche ou de crème solaire. Les céréales par-dessus paraissent alors parfaites. Les gâteaux. Les portions de gâteaux que nous voyons dans les publicités nous paraissent toujours toutes uniformes. Mais lorsque vous décidez de les préparer vous-même ou même que vous allez les acheter dans une pâtisserie, ce n'est jamais aussi bien soigné. Pourquoi ? En fait, croyez-le ou non, les portions de gâteaux et même les gâteaux entiers sont façonnés avec des morceaux de carton insérés au milieu de toutes les parts. Ils sont ensuite fourrés pour que l'illusion soit parfaite et que ces morceaux de carton ne bougent absolument pas. Les glaces. Pour ceux qui ne le savent pas, les glaces ne peuvent pas supporter les hautes températures dues aux projecteurs qui se trouvent dans les studios où l'on tourne une publicité. À cause de cela, lorsque vous verrez désormais la publicité d'une glace, rendez-vous bien compte que ce que vous voyez pourrait être tout sauf une glace. Oui, les glaces des publicités sont faites à partir de n'importe quoi, comme par exemple un mélange bizarre de farine avec un autre aliment ou de la pomme de terre avec en plus toutes sortes de choses destinées à rendre la fausse glace esthétique. Et les couleurs si chatoyantes sont faites tout simplement avec des colorants, comme vous le voyez sur l'image. La mousse de la bière. Cette mousse de bière typique que vous voyez se renverser du verre dans toutes les publicités, je dois vous dire qu'il s'agit en réalité d'une mousse de savon ou de détergent. Les publicitaires utilisent cette astuce pour permettre à la mousse de ne pas disparaître trop rapidement. La vapeur. Qui n'a pas déjà eu l'eau à la bouche en regardant la publicité d'un plat fumant tout droit sorti du four ? Eh bien, sachez que cette fumée simulée dans les publicités alimentaires est en réalité la fumée d'un encens. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que j'en parle... Voilà. Canada dans la Sainte-Terre, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et quoi que nous sommes servis ce soir par tout ce que nous voyons maintenant chaque fois, n'est-ce pas? Les décisions, nos décisions sont manipulées. Le choix de vos vêtements, le choix de vos habits, c'est manipulé. Le frère Camille, tu as la parole. Quand tu sors un peu de ta voiture, tu pars à la voiture, tu peux prendre un burger parce qu'on vient te suggérer que tu peux prendre un burger. Tu peux prendre ça de rendre compte. On dit que quand tu vas dans un comptoir, le fait que tu aies choisi un hamburger, on t'a suggéré ça, on t'a dit que tu dois prendre sans te dire que tu vas prendre. Je suis à moi avant d'être vivant. je sais pas si je suis la planète si là ou bien. Je sais pas, parce que je me rends compte que parce que la manipulation là, ça ne peut pas venir de nous du Seigneur, ça vient du diable. Parce que c'est une pensée qui est derrière pour pouvoir essayer de contrôler notre cerveau. De contrôler vraiment tout. tout ce que nous faisons, alors que nous disons que si nous alors que nous nous sommes en train de dire que nous c'est plus nous qui vivons à nous, mais c'est qu'est-ce qui vit à nous. Mais on se rend compte que ce n'est pas qu'est-ce qui vit à nous, mais c'est Satan qui a de nous manipuler. Vraiment, c'est frère, il y a des choses que à un moment donné on dit c'est que frère, pourquoi tu montres des choses comme ça? Laisse-nous mourir dans ça une fois. Donc, je veux pas vous laisser mourir dans l'ignorance. Nous allons connaître la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchi. N'est-ce pas, frère? C'est ça, frère. Merci, mon frère, merci. Quand tu nous montres encore ça, je me rends compte que c'est là où il y a des choses que. C'est pour ça que quand je vois les choses comme ça, je me rends compte qu'on a besoin des uns des autres. Parce que tu penses dans ton coin que tu connais déjà tout. Mais en réalité, tu ne connais rien, tu es ignorant. Parce que l'autre vient t'informer de quelque chose que tu n'avais même pas en pensée. Que voici ça, voilà pourquoi ça se passe que pas. Et c'est là où on comprend vraiment que le frère, c'est que il y a des choses là que quand nous regardons même par rapport à la télévision, on se rend compte que ce n'est que des jeux et des manipulations qui deviennent des animations et qui produisent ce que nous regardons. Après, on est dans le suspense. Parce que dans un sens, quand tu regardes ça, ce n'est pas réel. C'est l'illusion. On te montre l'illusion, mais on te fait croire quelque chose de réel et tu veux appliquer ça dans ta propre vie. Mais ça ne donne pas. Et tu comprends que ce n'est pas possible. Et tu vois, même il y a des limites en ce que tu as vu. Que tu peux pas faire chez toi. Et là, mais comme le cerveau est déjà programmé, le cerveau continue à forcer. C'est pourquoi on devient ce que nous sommes aujourd'hui. La sœur Alphonsine, le plus grave, c'est que on fait cela, on te sujet des choses sans que tu ne sois au courant qu'on est en train de manipuler ton habitude, ton choix, tes différents désirs, ta façon de te comporter. Tu te rends compte que tu te comportes d'une certaine façon. Alors, je pourrais vous poser la question ce soir en posant comment la sœur Alphonsine. L'huile que tu utilises pour te oindre, d'où est-ce que tu as connu cette huile? Pourquoi tu utilises cette style d'huile-là, par exemple? Mon frère, j'utilise... Sans publicité. Oui, sans publicité. Un type A, par exemple. La vaseline. Oui. Vaseline, parce qu'il y a de lait de toilette vaseline. Bon, j'ai commencé à l'utiliser surtout ici au Canada à cause du froid. Et puis, je me suis rendu compte que ça hydratait bien ma peau. Quelqu'un t'a pas montré à la télévision que l'huile de la vaseline et votre peau est bien conservée comme un Africain. De télévision ou de je sais pas quoi. Donc, j'ai utilisé parce que c'est ce qui allait bien avec ma peau, quoi, c'est tout. Voilà. Mais je pense qu'en tant que chrétien, nous devons être délivrés de toutes ces choses. Quoi. De voir par exemple une belle marque de vêtements à la télé et vouloir l'acheter, de voir la publicité d'une belle marque de chaussures, de vouloir l'acheter. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, on est vraiment, du moins moi personnellement, je suis délivré de ces choses. Quoi. Donc, sans m'en vanter, c'est ce que je pense que moi je suis. Est-ce Monique? Des indiscrets, oui, les oreilles indiscrètes disent que tu es spécialisé dans le tatinage des gâteaux. C'est ça? Ok. Pour aller faire des gâteaux, il faut prendre un style de vanille, un style de saveur. Et dans les supermarchés, il y en a de plus de styles. Si la que tu ne peux pas au supermarché, tu vas dire à ton chéri que achète-moi plutôt telle marque. Pourquoi? Mais par exemple, parce que c'est ce que je connais depuis que je suis petite. Mais qui t'a dit que c'est ça qui est vrai, qui est le bon? Mon frère, j'ai trouvé. J'ai vu ma défense se faire avec. Et puis, tu continues, ça m'a dit comment on peut faire tuer. Donc, on l'a manipulé pour qu'elle te manipule. Que le Seigneur vous bénisse. Le Canada dans la sainteté ce soir observe les méfaits de la télévision, les dangers. Et dans quelques instants, nous allons aborder, après avoir épilogué sur toutes les vidéos, nous allons trouver le cadre dans le cadre spirituel et voir effectivement comment ça tue à petit feu notre cerveau, la zone réservée à la volonté pour pouvoir exercer cette volonté-là du côté du Seigneur. Nous continuons. Qui veut parler maintenant? La sœur Suzanne, tu voulais parler, réagir par rapport à la vidéo que nous avons vue là maintenant, les vidéos que nous avons vues maintenant. Quelle est ton idée là-dessus? Ce que j'arrive à dire, c'est que la publicité égale mensonge. Ne bouge pas, ma soeur, pour que ta connexion se stabilise. Recommence encore. Ne bouge pas parce que tu bouges. Ok. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Je sais que ce que j'ai retenu particulièrement, c'est que la publicité également mensonge. Mmh. Donc, on nous transmet le mensonge au travers de la publicité. On transmet une illusion au travers de la publicité. Et c'est vrai que lorsque je regardais la télé, j'avais aussi été manipulée par ça. Mmh. Si au Canada, on va nous envoyer chaque semaine ce qu'on appelle le public-sac. Parce que la publicité est vraiment en crise. Ça se limite pas seulement à la télé, ça se limite dans les supermarchés, ça va dans les supermarchés, ça arrive même à la maison. Donc, si tu n'as pas la télé, la publicité te retrouve chez toi. Mmh. Dans un sac, on t'envoie les spéciaux de la semaine. Mmh. Et donc, tu t'assois chaque jour, tu scrutes, mais tu ne te rends pas compte qu'en t'asseyant là-dessus, ton magazine, et puis quand tu te vas à la zone supermarché, tu te trouves comme bizarrement en train de toucher ce que tu as vu dans ton public sac. Mmh. Ça dicte notre conduite, ça influence notre conduite, ça nous manipule. Il faut vraiment la grâce du Seigneur pour se détacher de ça, savoir exactement consommer ce dont nous avons besoin, ne pas aller au-delà. Les grandes multinationales, la sœur de la Rose, les grandes multinationales œuvrent avec les sociétés telles que, comme on l'a vu dans la neuroscience, je rappelle qu'il est 2h25 ici à Douala, au Cameroun. Les grandes sociétés multinationales œuvrent en toile de fond, comme le sous-marin. Ils travaillent avec les sociétés de neurosciences pour essayer de trouver des techniques de marketing, d'où justement la science, dont la médecine, comme tel que nous avons vu dans les vidéos, qui viennent s'ingérer dans le marketing. On utilise le médecin pour voir comment avoir l'impact sur les utilisateurs. Et ça, les utilisateurs ne savent même pas. N'est-ce pas être démoniaque ici, ma chère sœur Delaroche? C'est au-delà même de l'aspect démoniaque. Parce que quand je regardais cette publicité, je me disais en même temps, comment le diable peut être tellement subtil dans sa façon de faire? Parce que quand tu arriveras devant le Père, il va te dire, pourquoi tu n'as pas eu le temps de... Tu vas dire, c'est parce que le diable m'avait insufflé des pensées négatives à travers la publicité. Mais ce même diable m'a encore des médecins pour te faire comprendre que ce n'est pas bien. C'est terrible, frère. C'est terrible. Une branche de médecins en train de travailler pour manipuler les pensées des gens, une autre branche en train de dire qu'il y a danger à la télévision, ne regardez pas. C'est ça, il est rusé, le diable. Il est très rusé. Très rusé. Qui n'a pas encore parlé ici, là? Je crois que les gens sont dépassés par les événements. On continue alors les vidéos. N'est-ce pas, mes soeurs? Continuez les vidéos. Vous allez voir les vidéos et puis on va en sortir avec les dangers de la télévision du côté spirituel maintenant. Je crois que c'est bien calé là maintenant. Voilà. C'est bon. Le raison d'ailleurs, l'argent dépensé par les ménages augmente au fil des années, tout simplement parce que le pouvoir d'achat augmente aussi. Mais c'est pas la seule raison, c'est vrai que si les gens consomment autant aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a inculqué dès le plus jeune âge cette culture de consommation. C'est vrai que c'est être dans la normalité que de faire beaucoup d'achats, que de succomber à ses pulsions lorsqu'on a envie d'acheter quelque chose. Et les entreprises, tu vois, elles créent toutes sortes de produits et par la même occasion essayer de créer de nouveaux besoins, mais c'est des besoins qui sont pas essentiels, c'est des besoins qui sont pas alimentaires. Et s'ils sont pas alimentaires, justement, s'ils sont pas des besoins naturels, on pourrait quand même se demander pourquoi est-ce qu'on achète quand même ces produits. Et tout simplement, c'est parce que on nous donne envie d'acheter ces produits via la publicité, justement. Certains d'entre nous allaient me dire non, mais la publicité ça marche pas sur moi. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est faux, parce que la publicité, même sur tout le monde, c'est tout à fait normal. Sinon, les entreprises dépenseraient pas autant d'argent en publicité si ça marchait pas. Parce qu'ils investissent beaucoup en publicité, ce qui veut dire qu'ils gagnent plus d'argent sur les ventes que sur les dépenses qu'ils font en publicité. Et le vrai problème, c'est qu'il est vraiment très difficile de ne pas se faire influencer par la publicité, tout simplement parce que les entreprises, elles connaissent le fonctionnement du cerveau. Elles utilisent ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ils utilisent aussi des mécanismes psychologiques pour essayer de nous manipuler, pour essayer de nous pousser à l'acte d'achat. Et pour être moins victime de ça, justement, il faut connaître un peu ces biais cognitifs, au moins minimum. Pour ça, je te conseille d'aller voir les podcasts de Marketing Mania sur le sujet. Je te mettrai un lien dans la description pour les voir. Moi, j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment très concis et on apprend pas mal de choses. Et personnellement, je vais pas développer là-dessus parce qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais je voulais quand même te parler de deux principes qui sont importants à connaître pour moins consommer. Et ces deux principes sont faits justement pour que tu achètes des objets dont tu n'as pas besoin. Premier principe, c'est le principe de rareté. Alors, c'est une stratégie qui est souvent utilisée par les entreprises. C'est vous faire croire qu'il faut se dépêcher pour avoir accès à un service ou à un produit. Par exemple, les soldes, on vous fait croire que vu qu'il y a quand même des grosses réductions, il faut absolument en profiter parce que c'est seulement pour 2 semaines, pour 1 mois. Et clairement, ça marche parce que la plupart des gens vont acheter les produits dont ils n'ont pas vraiment besoin, dont ils n'avaient pas pensé acheter. Les gens vont consommer bien plus que ce qu'ils font en temps normal. Et vu qu'il y a une réduction, ça va leur donner l'impression en fait qu'ils font une bonne affaire. Alors que finalement, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont acheté un truc qu'ils n'auraient pas acheté en temps normal. Autre exemple, les éditions limitées. Alors c'est très simple, ça tu l'as compris, hein. Si tu n'achètes pas ce produit, tu pourras plus jamais le racheter. Et en fait, si tu l'achètes, tu seras un des rares sur Terre à avoir ce produit-là. Pour donner un exemple, il y a les chaussures en édition limitée, les chaussures Jordan par exemple. C'est vrai que ça marche pas mal, ils savent qu'ils peuvent vendre plus cher justement, et ils savent exactement qu'ils vont tout vendre. Ils savent qu'ils vont tout vendre parce que voilà, l'aspect psychologique d'édition limitée, ça marche vraiment. Enfin, en tout cas, il y a plein d'exemples qui expliquent ce principe de rareté, mais bon, je vais pas tous les énumérer. Autre principe, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Alors là, je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est ça. C'est en gros appartenir à une tribu, à un groupe, à une communauté lorsqu'on achète tel ou tel produit. Si on donne un exemple, il y a Apple. Si vous achetez leurs produits, vous allez faire partie des gens qui sont créatifs, vous allez faire partie des gens qui pensent différemment, qui utilisent la technologie différemment. Et en tout cas, en fait, c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire par leur publicité. Mais personnellement, j'ai un Mac, je me sens pas du tout plus créatif qu'un autre. Je sens vraiment aucune différence, c'est juste voilà, un PC comme un autre. Et via la publicité, on essaie de vous faire croire que si vous achetez ce produit, vous allez être telle ou telle personne. Donc aujourd'hui, l'action qu'on va pouvoir mener ensemble, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'on peut être moins influencé par la publicité aujourd'hui? Et c'est vrai que je t'ai parlé de pas mal de fois comment moins consommer, et je vais essayer de pas me répéter. Mais déjà, je pense qu'il est important de savoir comment fonctionnent les mécanismes de vente, comment fonctionnent les mécanismes de marketing, de publicité, pour éviter de se faire avoir, en fait. Je demande pas à ce qu'on devienne un expert, mais au moins qu'on connaisse les bases. Parce qu'une fois que tu comprends, tu pourras définir vraiment ce que tu veux et tu comprendras que c'est pas un objet qui va te dire qui tu es vraiment. Enfin, tu vas comprendre qu'il faut se concentrer sur les objets qui répondent à un besoin fondamental. Il y a quand même un gros travail à faire sur nous-mêmes pour comprendre quels sont nos réels besoins et savoir les différencier de nos envies. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire les soldes parce que je sais exactement quels objets il me manque. Je les note sur un papier, j'attends un peu pour être sûr que j'en ai vraiment besoin et après je les achète au fur et à mesure de l'année. J'attends pas les soldes justement parce que je sais que mes dépenses restent quand même minimes. Autre point, j'essaie de m'éloigner de toute publicité. Déjà, je regarde plus la télé et je traîne plus sur les sites de e-commerce. Donc forcément, c'est déjà beaucoup le plus difficile de m'influencer. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouvais le sujet vraiment intéressant. Essaye de voir toi ce que tu peux faire pour éviter de te faire influencer ou manipuler par la publicité. T'as peut-être déjà créé tes propres techniques et si c'est le cas, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes. En attendant un autre podcast, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine. À la prochaine, mon ami. À la prochaine. Alors, mes frères de Canada, avant de voir ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, cette personne, après avoir dénoncé toutes les techniques de marketing que les gens utilisent pour pouvoir nous manipuler dans la publicité, dit qu'il a développé ses propres techniques. Et l'une de ces techniques, c'est qu'il a arrêté de voir la télévision, aller sur les sites justement de e-commerce, ainsi de suite. Ça, c'est un monde. Qui prend la parole? C'est grave, pas vrai? C'est très grave ce que nous sommes en train d'entendre. Et on a comme impression que ce sont les chrétiens seuls qui ne sont pas au courant de cela. Les mondains, eux, ils savent qu'on est en train de les manipuler. Oui, la sœur Suzanne. Oui, vraiment, moi, j'ai retenu ces techniques-là qui sont vraiment bonnes parce qu'il a dit qu'il examine actuellement ce dont il a besoin avant d'acheter. Il n'attend pas les soldes. Et moi aussi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Je n'attends plus les soldes. Ce qui fait que, en général, je vais beaucoup plus magasiner pour les enfants, mais ce que je fais, je magasine une fois l'année, si c'est nécessaire. Donc, vous ne pensez pas que les gens vont faire la solde, tout ce qu'ils ont dépensé, on a vidé le magasin, venez, ils vendent pour perdre, parce qu'ils vous aiment trop, pas vrai? C'est ça. C'est ça. Canada de la sainteté, qui prend la parole? Pendant que vous en avez réfléchi, je vous dis quelque chose. Quelqu'un vient dans un séminaire, sortant de chez Karine, dit qu'on a constaté effectivement des certains méfaits dans la nutrition. Et il cite maintenant un célèbre médecin en disant que votre nourriture soit votre médicament. Ça veut dire quoi cette situation? Il dit que non, les produits chimiques que nous prenons nous détruisent 80% parce que nos organes vitaux se trouvent tout autour de nos reins. Et quand nous prenons comme ça, le reste de tous les produits chimiques là reste à l'intérieur de nous et nous nous détruit. Et juste là, on voit effectivement que malgré que la démographie monte, il y a le problème de malnutrition. Que fait donc? Il y a donc la solution. La solution, c'est les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires donc vont donner les oligo-éléments avec les trucs que vous prenez cela pour compléter la nourriture que nous mangeons. Parce que les tomates que nous mangeons, il n'y a pas d'effet là-bas. Malgré que ce soit joli comme ça, il n'y a pas d'effet. C'est eux qui créent toujours. C'est eux qui ont l'alimentation. Donc c'est un même monsieur qui va avoir des champs de tomates qui vend là-bas tout autour sur le supermarché. Appelé par exemple Norman Tomato. C'est ce même monsieur qui va prendre une autre branche maintenant, Norman Pharmacy. C'est le même monsieur qui forme le gros élément. C'est lui qui encore qui forme la médecine là-bas. Donc, tu manges ta tomate, ça te puge, tu veux acheter son remède. Tu fuis, tu veux acheter son oligo-élément de ce côté-ci là pour pouvoir compléter ta nutrition. Entre temps, la boulangerie du coin, celui qui fait avec le maïs de OGM. Tu pars celui pour acheter la boulangerie. Tu pars de l'autre côté, son petit frère de faire le KFC et le McDonald's. Donc, quand tu manges ça, quand tu es boulimique, quand ton ventre est gros, il faut maintenant diminuer les graisses à l'intérieur. Voilà. La méthode 3 sur H, c'est son petit frère qui a de faire ça de l'autre côté. Donc, du début jusqu'à la fin, tu manges, il te tue. C'est celui qui te tue en mangeant. Tu veux te désintoxiquer, c'est celui qui te donne en te donnant d'autres choses. Canada, dans la sainteté, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde de manipulation mentale pour nous pousser à détruire le corps que Dieu nous a donné? Nous parlons de la sanctification. Qui prend la parole? Mon frère, il faut se réfugier dans la prière, c'est vrai. Mon frère est mal barré. Frère, le sujet que tu es en train de soulever là, je priais pour ça il y a quelques heures. Je suivais invocation du nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier parce que je disais au Seigneur que... Je disais au Seigneur que l'état dans lequel je me retrouve, quand je regarde mon corps, je ne suis pas contente. Seigneur, c'est ton temple. Et comment je peux laisser les choses diriger ma chair comme ça. Je dis au Seigneur de me délivrer. Vraiment, je demandais sincèrement. Bon, je vais pas dire sincèrement parce que je m'appelle dans la vidéo que quand les frères disaient j'ai prié sincèrement, ils disaient qu'il faut prier par la foi. Bref, j'ai prié par la foi. Et je demandais vraiment au Seigneur de me délivrer parce que tu ne comprends pas comment. Je veux dire, comment quelqu'un peut être efficace, jeûner. Parce que je suis consciente que c'est quand tu jeûnes, c'est quand tu te pries de ces choses-là que spirituellement parlant, le Seigneur arrive à t'atteindre et à te parler. Et je sais que ça, l'ennemi utilise ça comme une barrière dans ma vie. Tu comprends? Si je jeûne, je fais des jeûnes de 21 jours et tout, souvent avec. Et je réussis toujours à faire ça parce qu'on est en groupe et en masse. Mais dès que je prends la décision, moi toute seule, Carrie, c'est le moment de jeûner. Quand le Seigneur me pousse à prendre des moments de jeûne, je n'arrive pas. C'est toujours comme une bataille. Tu vois un petit McDo comme ça, comme on a dit tout à l'heure, la fumée sort sur ça, là, tu confirmes seulement. Je confirme, frère, vraiment, c'est... Et je disais même encore à mes enfants, parce qu'on aimait beaucoup regarder les vidéos de cuisine, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Je leur disais tout à l'heure, hier encore, que moi, je ne regarde plus jamais ces vidéos-là. Je suis sûre que ça a eu un impact. Je suis sûre, parce que ça te donne envie de préparer, de faire des trucs, de faire des bons trucs, de faire... Et puis après quoi? Je dis non. Je dis non, Seigneur, vraiment, il faut la délivrance. C'est pas normal. Le temple du Seigneur détruit comme ça, par quoi la petite, la nourriture et tout comme ça. Moi, en tout cas, j'ai eu ma dose ce matin, quoi. Et j'ai dit au Seigneur que Et la dose est en train d'être cimentée ce soir, afin que nous comprenions effectivement que l'heure est arrivée, effectivement, ce temple doit être traité durement. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te continue à travailler avec toi, ma soeur bien-aimée, d'accord? Je vais continuer un peu dans la même lancée que Karine. Oui, parle-nous, ma soeur. Parce que moi aussi, j'ai écouté le message qu'elle a écouté là. Avant là, je n'arrivais pas. Le matin, quand je me levais là, je me balançais dans le canapé jusqu'au soir. Ça bougeait et tout là, donc je n'arrivais vraiment pas à me détacher. Et puis, par la grâce de Dieu, en écoutant le message, comme je partageais avec les sœurs et les frères, je disais qu'il y a le psaume que tu as cité dans le message, le psaume chapitre 1, verset 1, 2, qui dit que, le verset 2 qui dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mm. C'est qui fait que, grâce à ça, j'ai dit que non, c'est dans la loi de l'Éternel maintenant que je vais aller chercher, finir la télévision, et je suis sortie de la télévision. Mm. Laisse-moi te dire que je suis tombée encore dans le même piège parce que je ne regarde plus la télévision, mais je passe tout mon temps à regarder maintenant les émissions de cuisine. Mm. Donc, au lieu de prier, au lieu de méditer la parole, parce qu'il dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mm. Donc, au lieu de méditer la parole de l'Éternel, je passe maintenant mon temps à regarder. Aujourd'hui, là, je regardais des gays et puis il fallait que j'aille acheter des gays, que je vienne préparer des gays. Tu vois un peu comment est-ce que je n'ai pas lu la parole comme j'aurais voulu lire la parole. Mm. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivant. Tu vois un peu? Pardon? C'est quel verset là? Non, justement, c'était la Bible, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Et tu vois, oui. Donc il y a le lieu de trouver le plaisir. Et dans ce livre des psaumes chapitre 2, chapitre 1, il est dit de trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, les questions maintenant, où tu en es de trouver le plaisir, plutôt dans la cuisine, dans les trucs culinaires. Tu vois? Et tous les ingrédients qu'on va te proposer sont les ingrédients fabriqués par ces entreprises démoniaques là. Pour que tu viennes donner comment on fait gonfle, il croit qu'il vit bien. Un jour il va maintenant, c'est la soeur Karine qui fait le diagnostic. Que ton taux de glycémie a trop monté, qu'on va diminuer ceci. Voilà, maintenant il faut lutter maintenant. Et chaque fois on commence à appliquer son doigt pour regarder le taux de glycémie. Et c'est ce taux de glycémie, c'est à l'issue des choses qu'il a mangées. Donc vous dépensez pour manger, il faut maintenant dépenser maintenant pour pouvoir diminuer ce que vous avez mangé dans le corps. La lutte maintenant, vous voyez que l'énergie et tout le temps qu'on doit consacrer dans la parole, on a dû consacrer pour manger et pour démanger. Canada dans la sainteté, rebonsoir, on continue avec les vidéos. Maintenant, nous attaquons une autre vidéo de McDonald's Canada. Nous allons suivre ce qu'il dit là-bas dans cette vidéo. Mon frère, s'il te plaît, mon frère, il n'y a pas moyen de corriger un peu le son là. C'est très doublé et puis on a du mal à comprendre quoi, à écouter. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quoi, c'est parce que le micro est extérieur. Si je ferme le micro extérieur, ça vous n'allez pas entendre. Donc, si vous avez le casque, essayez de mettre plutôt le casque. Je ne sais pas comment on peut faire. On va arranger ces choses. Ne t'inquiète pas, comme ma soeur. Mon frère, oui. Avant que tu ne lances ta vidéo, là, oui. En fait, moi, ce que je retiens, je ne sais pas pour les autres, là, ce que moi je retiens jusqu'ici, c'est que vraiment, au Canada, on a vraiment besoin de délivrance. Vraiment, ma soeur. Amen. Oui. Heureusement que vous êtes les grands hommes de Dieu, comme ça, le frère Francis avec le frère Camille. Le frère Camille a déjà dit que d'abord que le centre de production des baladés se trouve en lui. Donc, il va vous aider, ne vous inquiétez pas. Donc, à tout à l'heure, donc, on voit dans ce livre de la prochaine vidéo. Écoutons les prochaines vidéos. Et puis, à l'issue de cela, on va voir ce qu'il faut faire à la dernière vidéo. Ce qu'il faut faire. Et puis, avant de toucher le cadre, là, il est quelle heure là ici? Il est 3h dans 17 minutes. Alors, on va à la prochaine vidéo ici. From McDonald's Canada. And I'm here with a question from Isabel M. from Toronto, Ontario. She asks, why does your food look different in the advertising than what's in the store? Donc, d'après ce que nous sommes en train de voir sur cette vidéo-là, on voit effectivement, nous avons découvert cela dans une autre vidéo qu'on nous a montré. Là, on avait effectivement que les nourritures que vous achetez, particulièrement dans les questions de McDonald's ici, lorsqu'on voit la publicité, on voit que c'est des choses tellement bon, bien arrangées. Et apparemment, c'est quelqu'un qui a posé la question, pourquoi est-ce que les choses qu'on montre dans la publicité sont différentes de ce qu'on voit dans la réalité. Isabel M. from Toronto, Ontario. She asks, why does your food look different in the advertising than what's in the store? What we're going to do here is we're actually going to put the burger that you saw me just buy. We're going to put it side by side next to a burger that we're actually going to craft from scratch. Donc ici, maintenant, cette personne s'est allée dans un centre de McDo pour acheter le hamburger qu'ils sont allés acheter. Maintenant, ils vont aller comparer maintenant avec le hamburger de la publicité. With our food stylist and our photographer, and we're going to compare what's different about the two. The process we go through on the average shoot takes several hours. And here, I think it's important to note that all the ingredients that Noah uses are the exact same ingredients that we use in the restaurant. In the the store, they would naturally just line it up straight in line. We have to bring it back a little bit to reveal the fact that it comes with the pickles and the slivered onions. Pretty good as is. I don't think it's going to need much retouching whatsoever. Let me introduce you to Stuart Murray. He's going to take the side-by-side comparison and do a little finessing of the product. Here you can definitely see that there's a size difference. And then the main difference is the fact that we actually took all the ingredients that are normally hidden under the bun and we pulled them to the foreground so that you can see them. Voilà. La publicité est un procédé d'incitation à la consommation qui cible un public particulier. C'est surtout essayer par tous les moyens de donner très envie aux consommateurs moyens, à savoir nous, de taper dans les économies de ses enfants pour acheter ce truc dont il n'a absolument pas besoin. Et pour ce faire, les sociétés de publicité n'hésitent pas à avoir recours à tout plein d'astuces psychologiques. Les publicités sont souvent humoristiques, créatives et colorées. Et c'est justement leur pouvoir distractif qui influence les préférences et les choix du consommateur. En outre, au-delà de ces effets psychologiques, la publicité reflète et diffuse des valeurs auxquelles on ne peut pas toujours résister. Il existe quatre types de publicité. Premièrement, la publicité persuasive et informative. La publicité persuasive est un type de message publicitaire qui vise à persuader le consommateur de l'intérêt d'une offre ou d'un produit par un discours publicitaire rationnel visant à convaincre par la démonstration ou la preuve de l'avantage du produit ou service. Les publicités démontrant l'efficacité de produits d'entretien sont typiquement des publicités persuasives. Deuxièmement, la publicité suggestive. Ce type de publicité a pour but de convaincre le consommateur qui va calculer les dépenses de ses achats. Cette publicité a pour but également d'informer et d'expliquer les atouts du produit, de mettre en avant son utilité et de montrer ses différences avec un autre même produit. Troisièmement, la publicité mécaniste. Ce type de publicité a pour but d'influencer le consommateur avec des mécanismes et des automatismes où l'identité du produit ou de la marque sont omniprésents. C'est-à-dire que la marque va instaurer un système de répétition de son slogan pour marquer l'esprit du consommateur. Quatrièmement, la publicité projective, intégrative. Ce type de publicité a pour but de cibler toutes les catégories sociales. Celle-ci va donc mettre en avant la marque du produit, ce qui incite l'individu à changer son mode d'alimentation et incite également le consommateur à acheter des produits seulement en fonction de son appartenance sociale, c'est-à-dire que l'individu veut s'identifier à un groupe. Les stratégies des publicitaires. Pour qu'une publicité télévisée fonctionne, elle doit toucher le téléspectateur afin de lui procurer le besoin de consommer. Le publicitaire s'appuie sur le schéma théorique suivant. A. On attire l'attention. I. On suscite l'intérêt. D. On provoque le désir. A. On déclenche l'achat. Quels sont les mécanismes psychologiques utilisés par les publicitaires? Le conditionnement évaluatif. Cette stratégie consiste à associer un stimulus chargé émotionnellement, par exemple, la joie, la sympathie, la douceur, à un stimulus neutre, la marque du produit, même si cette association est dénuée de toute logique. L'effet d'amorçage. Cet effet consiste à faire précéder un stimulus d'une perception, d'un comportement ou d'une pensée, afin de l'influencer. Il s'agit, par exemple, d'afficher des logos de cartes bancaires aux portes des boutiques. En effet, l'aspect virtuel des transactions électroniques peut favoriser les comportements d'achat ou minimiser le coût psychologique lié à la dépense. L'effet de familiarité, il s'agit de la tendance à croire qu'une marque connue est une marque de qualité. Le principe des publicitaires est donc d'augmenter le sentiment de familiarité du consommateur vis-à-vis de la marque. Un moyen très efficace consiste à faire écouter des mélodies publicitaires qui ont la particularité d'être entêtantes et qui répètent le nom de la marque plusieurs fois, par exemple, « Heureusement il y a fin du » ou « On se lève tous pour Danette, Danette, Danette ». Cette répétition accroître le sentiment de familiarité avec la marque et donc influencer le choix du consommateur. Faire autorité, en petits soumis que nous sommes, nous avons naturellement tendance à obéir aux figures d'autorité de notre société, parents, patrons, experts. C'est notamment pour cette raison que nos amis pubards calent dans tous leurs spots publicitaires des spécialistes de tout. Et n'importe quoi qui nous aide, que notre vie ne sera plus jamais la même si on choisit ce dentifrice exceptionnel qui lutte activement contre la plaque dentaire. Répétition. Dans ce spot publicitaire, il y a un mécanisme de répétition, ce qui incite l'individu spectateur à consommer le produit de la marque citée dans la publicité. Le slogan « Savez-vous qu'il était moins cher chez Leclerc ?» de Leclerc a été étudié pour cela. La marque Hollywood veut montrer que leur chewing-gum inflige une référence à un groupe. Cette publicité fait constamment illusion à la jeunesse ou un groupe de jeunes. Les enfants, de nos jours les enfants et jeunes adolescents, sont considérés comme des consommateurs. En effet, les enfants peuvent avoir une influence sur leurs parents et sont donc des prescripteurs d'achat. De plus, des études ont montré que dès l'âge de 6 mois, un enfant peut reconnaître les logos des marques. D'ailleurs, la marque Coca-Cola a déclaré « Viser les jeunes, c'est assurer l'avenir de la marque ». Peut-on résister à l'influence de la publicité ? Prendre conscience des mécanismes psychologiques utilisés par la publicité peut effectivement aider à déjouer certaines tentatives d'influence. Cependant, essayer de contrôler toutes les formes d'influence publicitaire mobiliserait trop de ressources attentionnelles et nous épuiserait. Pour conclure, la publicité télévisée alimentaire a plusieurs stratégies pour influencer le consommateur, comme la publicité mécaniste, suggestive, informative et persuasive. Elle a également des conséquences sur nos choix alimentaires, ce qui provoque des changements néfastes dans la vie des consommateurs. Merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, Canada la sainteté, je crois que tout est dit là maintenant. Le frère Camille, une fois de plus, tu as la parole. C'est chaud ce soir. Le frère Camille est où? Son micro est fermé là. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? C'est un suicide maintenant. Non, je disais que on est vraiment encerclé, frère. C'est là que je comprends que on est bombardé. C'est là où je comprends par rapport à Pao qui dit que nous sommes du monde, mais nous faisons pas partie du monde. Nous sommes vraiment des étrangers sur cette. Comme la sœur Suzanne a envoyé quelque chose, un cantique là par rapport à je pense à ça, donc que nous par rapport au monde. Et elle nous dit que nous sommes que des étrangers sur cette terre. Donc, nous sommes qu'en transit. Donc, celui qui est en transit, il ne doit pas porter beaucoup de bagages. Oui. Et puis, est-ce que... Attends. Oui, allez-y, vas-y, ma soeur. Je voulais ajouter quelque chose. Quand on bavardait tout à l'heure, là, il y a quelques mois là, j'ai eu un client qui est venu au bureau avec ses enfants, donc avec deux enfants, et peut-être la petite avait peut-être un an, le petit garçon avait trois ans. Et puis je bavardais avec eux, j'ai donné quelque chose aux enfants pour jouer, ce qui fait que le monsieur me dit que chez eux, il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, les enfants, eux, ils ne regardent même pas la télé, ce n'étaient pas des chrétiens. Hein. Et puis, le monsieur dit que les activités que les enfants font, c'est l'agriculture. Parce que chez eux, ils mangent bio, eux-mêmes, ils cultivent tout ce qu'ils mangent. Et ça, c'est au Canada. Oui, je te dis. Ce sont des Québécois. Et puis, à la maison, là, ils ont un grand terrain. Et eux-mêmes, ils cultivent tout ce qu'ils mangent. Et puis, les enfants travaillent sur la terre avec les parents. Donc, quand ils ne vont pas faire là, c'est peut-être faire les dessins. Ils vont jouer avec des images. La maman, elle est éducatrice spécialisée. Tu vois un peu, non? Donc, pour dire qu'il y a des non-chrétiens qui ont déjà compris que la télévision, là, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment à chaque personne, à chaque famille, de l'inculquer à ses enfants à la maison, peu importe ce que la société va faire. Mais si déjà tu l'inclus à la maison, parce que le petit au bureau déjà, si je lui donnais le téléphone, le petit n'allait même pas prendre. Parce qu'il avait déjà son livre de dessin avec des images et puis le crayon pour dessiner. Donc c'est vraiment la seule occupation. Et il sait déjà que la télévision n'est pas une bonne chose. Donc, même s'il arrive sûrement quelque part et qu'il y a la télévision, ça ne va même pas. parce qu'il grandit déjà comme ça avec. Mais c'est toi particulièrement, quand tu as écouté un mondain qui dit ces choses-là, quelle était ta réaction? Qu'est-ce que tu as pensé? Quand je suis rentrée, j'ai dit à Kat que quand j'ai vu quelque chose, j'ai dit. Et puis, quand nous-mêmes on faisait la terre, là, parce que l'été dernier, on a commencé nous-mêmes à faire l'agriculture, à travailler nous-mêmes la terre, ça nous occupait mieux et c'était beaucoup. Parce que moi, je regarde la télé parce que je m'ennuie. Tu vois un peu, non? C'est à cause que je m'ennuie et puis je veux combler un vide. C'est ça qui me coûte regarder la télé. Quand j'ai abandonné la télé, je sentais encore le vide, mais je n'ai pas vraiment réussi à combler ce vide-là par la parole de Dieu, tu comprends un peu. Donc, c'est vraiment pour combler le vide. Donc, en été, là, on cultive la terre, je peux aller regarder les plantes. Mais quand c'est l'hiver, je suis à la maison, Camille, papa, il est sorti, et je suis toute seule, il n'y a personne avec qui je veux bavarder, il n'y a pas une... Donc, je tombe dans la télévision. Quand je quitte la télévision, je suis tombée sur Internet où je regarde l'agriculture, je regarde la cuisine, tu vois un peu, non? Mais il faut que je prie le Seigneur pour vraiment arriver à combler ce vide-là par la soif de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur te donner, peut-être t'accorder vraiment ça, quoi, c'est que c'est ton cœur désir, ma soeur. Il reste toujours avec toi, ma soeur bien-aimée. Il reste avec toi. Je crois que le frère Francis veut parler là. Permets-moi, le frère Francis, de finir avec la soeur. Oui, ma soeur, je reste avec toi. Quel conseil donc peux-tu donner avec tout ce que tu es en train de vivre, là où vous vivez là-bas, avec tout ce qu'on est en train de découvrir là maintenant? Quel conseil peux-tu dire aux chrétiens qui nous écoutent maintenant, qui écoutent Canada, la sainteté, danger de la télévision, et que le Saint-Esprit leur dit, clique un peu ça, tu écoutes. Qu'est-ce que toi, tu lui dis? Moi, je dis que c'est à nous d'éduquer nos enfants, c'est à nous d'éliminer ce que... Donc, peut-être l'enfant ne va pas comprendre, mais c'est de faire comprendre déjà l'enfant les conséquences de la télévision. Et puis, quand l'enfant va comprendre, c'est un peu la même chose, un peu avec le verset que tu as donné la dernière fois. Chapitre 1, verset 2. Moi, la télévision était tellement... Mais quand je n'avais jamais prêté attention à ce verset-là. Mais quand j'ai compris que mon désir doit se trouver dans la parole, dans la loi de l'Éternel, et que je dois la méditer, j'ai compris l'importance, tu vois un peu, non? Quelque chose que ça peut être des années, je partais à l'église, je sortais, j'étais toujours au même point, tu comprends? Mais un seul verset est venu, ça fait toute la différence. Amen. C'est vraiment de les paroles qu'il faut pour dire à la personne, pour que l'enfant même comprenne l'importance. Et quand l'enfant va arriver même quelque part, on va lui donner quelque chose, l'enfant va dire que non, parce que c'est ce que tu l'as inquiété. Même si à l'école on va donner quoi que ce soit là, ça n'aura pas le même impact comme si tu n'avais pas pris déjà le temps de travailler avec ton enfant. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Le frère Francis, tu as la parole. Coca-Cola a dit que manipuler les enfants, c'est assurer la pérennité de leur entreprise. Oui, mon frère Francis. Je voudrais, parce que ce qu'on est en train de dire, plus on est en train de parler, plus j'essaie d'approfondir ma réflexion. Les Écritures disent que le monde est sous la puissance du malin. Oui. C'est-à-dire le système, en tout cas, c'est le système qui a construit nos sociétés est sous la puissance du malin. C'est ce qui veut dire que l'ennemi est arrivé à tous les niveaux de la société à répandre son poison. Je vais plus loin. Parce que il y a effectivement, c'est vrai, ce que tu es en train de montrer là, on n'a pas besoin de dire à 14h pour réfléchir. C'est tellement vivant et vrai que l'homme n'est pas quelqu'un qui peut prendre une décision par lui-même. On est toujours manipulé. Soit on est manipulé par le monde dans lequel on se trouve, et pour le cas échéant, et généralement, ceux qui sont sous la puissance des ténèbres, c'est les ténèbres qui impulsent leur manière de faire. Si on est sous la puissance du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui impulse notre manière d'agir. Parce que je dis ceci pourquoi. Regardez mes frères, il y a l'aspect, je dis toujours souvent, je discute souvent avec mon épouse, je dis, il y a l'aspect, les scientifiques arrivent à faire et à défaire les choses. Aujourd'hui, si on dit par exemple qu'on va retourner à l'agriculture bio. Il s'avère que pour cultiver, on a besoin de semences. Et les semences qui sont parfois utilisées aujourd'hui, malheureusement, même dans ce qu'on appelle la culture bio, ce sont des semences qui proviennent des entreprises. Améliorer. Et on peut dire oui, c'est des semences bio, et donc on retourne à la culture bio. Mais très souvent, comme tu as si bien fait le lien, toutes ces entreprises-là ont un lien. Coca-Cola a des parts dans la pharmacie. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de vous détruire de toute votre santé pour que vous allez vers la pharmacie, pour que la pharmacie vous donne encore des trucs qui vous intoxiquent. Mmh. Et entre-temps, vous avez besoin de l'argent. Il faut que vous allez emprunter auprès des banques. C'est pourquoi on va se rendre compte d'une chose, que toutes les entreprises-là, toutes les grandes entreprises, elles sont toutes actionnaires les unes chez les autres. Mmh. Et donc, elles ont fait tout le cycle, mmh, en commençant par la semence bio. On va vous donner une semence bio qui est modifiée. On va vous dire que c'est du bio. Mmh. Hein? Juste qu'on vous dise que c'est du bio, pour qu'on puisse croire que, ah tiens, c'est du bio. Alors que ce n'est peut-être pas forcément du bio comme on l'espère. Mmh. Et que oui, on va aller cultiver à la maison, on va manger la tomate quand c'est du bio, sans se rendre compte qu'on y a investi peut-être un peu de poison. Exact. Mais ça peut appeler du bio. Et donc, on voit que tout le cycle est en fait, il est empoisonné de A à Z. Et lorsqu'on réfléchit même sur ce que c'est que la publicité, on se rend compte qu'en fait, on en vient à la publicité parce qu'il y a des entreprises qui veulent se faire du bien. Donc, pour se faire du bien, il faut se faire connaître. C'est pourquoi on va utiliser le moyen de la publicité pour inciter les gens à aller consommer. Que ce soit de la nourriture, qui est même de la bonne nourriture, ou bien que ce soit de la nourriture qui est contaminée. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est un cycle qui est vraiment sous la puissance du malheur. Et à ce moment-là, on comprend profondément la nécessité absolue de marcher par l'esprit. Et que quand la Bible dit que nous devons sanctifier toutes choses, vraiment nous devons sanctifier toutes choses, parce que même en achetant la graine que je vais planter, il faut que je prie pour que le Seigneur puisse la rendre effectivement pure, parce que je n'ai pas la certitude, sauf révélation de l'Esprit du Seigneur, que la graine que nous sommes en train d'utiliser n'est pas une graine qui est OGM, bien qu'elle est modifiée, bien qu'elle peut porter l'appellation de pure. Et on se rend même compte que la publicité est quelque chose qui existe sur la foi. Parce que vous, je prends quelque chose que je ne connais pas. Je prends une information qu'on me donne. On me dit que ce que tu es en train d'acheter là contient telle chose. Mais qu'est-ce qui me certifie que ce que je suis en train d'acheter là contient effectivement ce qu'on m'a dit? Et c'est comme ça que ça joue même sur la foi. Et on croit en des choses. Et en fait, moi-même, ça me interpelle. Je dis donc, Seigneur, regarde, je suis capable de croire à un individu que je ne connais pas, qui me dit que le produit que je vais utiliser, c'est un produit qui est fabriqué à partir de tel, de tel, de tel. Et je mets ma confiance en ce qu'il m'a dit sans le connaître. Justement. Et Seigneur, je suis malheureux parce que si j'arrive à croire à un homme que je ne connais pas, qui me vend la mort, mais toi qui me vends la vie, je n'arrive pas à m'attacher à la vérité. Il y a un problème, et c'est là où je dis, pour que nous, dans ce que nous vivons au quotidien, si nous n'avons pas la plénitude de l'esprit, si on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, même dans les choix les plus banals qui semblent être, nous sommes des gens perdus. On peut prendre, parce que c'est bien, la famille, j'admire cette famille-là, et je conseille effectivement, s'il y a possibilité d'avoir un jardin, de faire son champ, c'est bien. Mais comme on dit, notre extrême, l'extrême dans lequel on tombe souvent, c'est qu'on va tomber, au lieu de combler ce vide-là par la prière, par la méditation, on va combler ce vide-là par l'agriculture, par des choses naturelles. Ils le font, c'est naturellement qu'ils le font. On ne peut pas leur en demander plus. Pour le monde dans lequel ils appartiennent, ils font même très bien. Maintenant, pour nous qui sommes croyants, enfants de Dieu, si nous n'avons pas le Saint-Esprit pleinement dans notre cœur, mais nous sommes des gens perdus. Tout ce que nous le faisons en vain. Dans les choix, dans les achats que nous faisons, aussi infime que cela puisse paraître, nous avons besoin de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que j'achète là, je dois l'acheter pour être sûr que je suis préservé et protégé contre ça. Donc il nous faut faire absolument, nécessairement, vitalement, que le Saint-Esprit pouvoir marcher dans ce monde-là et pouvoir consommer les choses. Parce que cette publicité-là, d'une manière ou d'une autre, on est dans la rue. On peut ne pas avoir de télévision, on peut ne pas avoir d'ordinateur, on peut ne pas avoir quoi que ce soit, mais la rue, dès que tu sors de la rue, il y a un grand poster qui te parle. Dès que tu marches là, il y a un petit, comme la soeur Suzanne disait, chaque jeudi, on reçoit des fiches, des journaux qui récapitulent tous les trucs. Donc, il y a toujours des incitations qu'on aura à acheter quelque chose. Maintenant, si ces incitations-là ne sont pas sous la vertu du Saint-Esprit, alors, forcément, nous allons tomber dans le... On va finir cela, Satan va nous piéger de l'autre côté. On va finir cela, on va nous piéger de côté. La nécessité absolue de marcher par l'Esprit. C'est grave, c'est nécessaire. Là, en voyant cette cible-là, je comprends que c'est grave. Notre foi est en jeu. Notre foi est menacée gravement. Parce que le Satan est arrivé à nous faire croire des choses, à nous mettre, à faire mettre notre confiance dans des hommes que nous ne connaissons même pas. En fait, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est pas tout manger, ne pas manger tout ça. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est que nous sommes capables d'avoir foi à des hommes que nous ne connaissons pas. Et mettre notre confiance et dire, je suis d'accord avec eux et je marche avec eux. Mais quand notre Seigneur nous dit, suivez-moi, c'est ça qui est en train de ça déchire mon cœur où je suis là. Mon cœur est dévasté. Je dis, Seigneur, mais comment je suis parvenu à croire à des hommes que je n'ai jamais vus, mais toi, ta parole, je n'arrive pas à croire. Viens à mon secours, sinon je suis perdu. Et c'est vraiment ça qui ressort de ce. Moi, en fait, c'est ce que je tire de ce qu'on vient de voir. Que Seigneur, ma foi est menacée. Voir ne pas voir la publicité. D'une manière ou d'une autre, je fais confiance dans les achats que je fais. Dès que j'arrive même au supermarché, tant que je mets une publicité, pourquoi est-ce que je prends tel produit par rapport à tel produit? Il y a quelque chose qui va me guider. Il y a quelque chose qui va m'amener à avoir confiance en cette chose-là. Sans que je ne puisse même dire pourquoi j'accepte cette chose-là. Et donc, là, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur, je suis fini. On est perdu, frère. On est perdu dans ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Si l'Esprit du Seigneur n'est pas là, tout ce qu'on fait, vraiment, on le fait en vain. On est en train de marcher dans le sac et courir dans le sac. Et tout ce qu'on fait n'est que perte de temps. La nécessité est là. Je pense que plus que jamais, le cri du cœur est vraiment le temps. Et je rends grâce au Seigneur de la direction qu'il a donnée au travers de sa vie. C'est que vraiment le temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin absolument d'un nettoyage. Mais pas d'un petit nettoyage à peu près. C'est très profond. Et on ne se rendait même pas compte. En fait, ça touche. En fait, en venant, tu dis des choses qui paraissent tellement anodines. On va te dire, mais pourquoi est-ce que je vais. Pourquoi est-ce qu'il y a de si mauvais que ça? Mais même, je me rends compte que dans la sanctification va jusqu'à toucher même ces aspects les plus simplistes que pour lesquels on se dit, ah tiens, moi je passe dessus, ce n'est pas très grave. Dieu ne regarde pas ça. La sœur Karine a dit quelque chose. Je me reconnais parce que moi, je ne le cache pas. Je suis quelqu'un, j'apprécie bien manger de bonnes choses. J'apprécie manger de bonnes choses. Mais je me rends donc compte que même ces bonnes choses que je peux apprécier manger peuvent m'amener à me dévier de la voie du Seigneur. D'où la nécessité absolue. Seigneur, même ça, contrôle aussi ça. Et enlève à moi ce qui peut être désir charnel, qui peut être combattu. Parce qu'il y a un autre aspect qui est peut-être qui n'est pas voilé. Derrière la publicité, il y a quelque chose de fort qui se cache, c'est la combattue. La combattue est très attachée à la publicité. Elle ne fait que ça. Le but de la publicité, c'est de susciter en nous la convoitise, susciter en nous l'envie, créer en nous cette envie-là. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas là et n'a pas cassé, n'a pas enlevé cela dans notre cœur, on va lutter en vain. La nécessité, la passion, c'est une affaire, frère. Ce n'est même pas une affaire de l'extérieur. Une fois de plus encore, ça touche notre intérieur, notre cœur, qui est peut-être attaché à ça, qui est peut-être greffé, notre cœur est greffé à cette chose-là. Parce que si je marche sur la route et que je vois, par exemple, une belle image de Marthe, si Marthe n'est pas enlevé dans mon cœur, ça va tout de suite susciter quelque chose et me pousser vers le Marthe. Mais par contre, si Marthe est enlevé dans mon cœur, je passe devant cette photo de Marthe, ça ne fait ni froid ni chaud. Et c'est là où je comprends que je suis vraiment délivré. Mais tant que je ne comprends pas encore, ou quand je passe dans ma chair qui se répare, après, il y a un problème. Donc, la nécessité, frère, la nécessité du Saint-Esprit, la nécessité du Saint-Esprit dans l'heure dans laquelle nous pouvons, pour un enfant véritable du Seigneur, elle est là. Elle est là. Elle est plus que jamais là. On doit crier, je ne sais pas. Il faut qu'on vende tout ce qu'on a à vendre, mais il faut que nous ayons le Saint-Esprit. C'est Amen. Une nécessité plus qu'absolue. Amen. Amen. Dans mon cœur, comme ça, on va. Amen. Sans le Saint-Esprit, ce serait exactement comme un militaire qui va combattre dans un champ de bataille sans gilet pare-balles ni aucune arme. Il doit combattre les ennemis. Canada dans la sainteté, 3h10 ici à Douala au Cameroun. Je pose la dernière question, nous faisons le dernier tour de table. Au vu de tout ce que nous avons vu, nous sommes accentués sur l'aspect des enfants parce que c'est les enfants qui sont censés grandir dans cette marche-là. Mais nous comprenons effectivement que cette influence-là est effectivement sur nous et nous empêche de vivre notre vie de sanctification, notre vie de sainteté. En plus, pour pérenniser notre temps dans la parole, nous pouvons passer facilement le temps sur les réseaux sociaux, dans les trucs, les appareils d'interaction tels que la télévision et les ordinateurs que nous avons vus. Nous pouvons passer 90% de notre temps là-bas. Mais chaque fois que nous prenons les Saintes Écritures, nous ne lui prenons pas le plaisir. Mais quand nous ouvrons la bouche, nous baillons tout simplement. Et disons, c'est demain encore une autre jour. Une autre jour, on commence le même processus. Entre-temps, quand c'est fort, on n'invoque pas la télévision. On ne convoque pas les réseaux sociaux. En tout cas, si vous avez mal au doigt, la télévision sera là, le télécommande sera là, le téléphone sera là, vous ne pourrez plus toucher. Parce que quand vous serez dans la couverture grelottant, c'est le Seigneur Jésus qu'on va appeler. On appelait par la télévision. Encore moins, les gens, les équipes distillent, les documentaires ne savent même pas de quoi il est question chez vous. Vous pouvez mourir, laisser votre télévision, ne seront pas là. Mais vous êtes l'un de ses partenaires pour suivre les différentes propositions qu'ils font à la télévision. Quand ça sera très grave, on va se tourner du côté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc pour cela que l'Ecclésiaste, voyant toutes ces choses, a dit dans, si vous lisez le livre Ecclésiaste au chapitre 2, le verset 16, dans le verset 16 d'abord, l'Ecclésiaste nous dit, il a haï la vie car ce qui se fait sous le soleil lui a déplu, car tout est vanité et poursuite du vain. Et au verset 23, il dit, tous les jours de l'homme, tous les jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas, c'est encore là une vanité. C'est ce que l'Ecclésiaste a dit, que finalement tout là sur la terre est vanité parce qu'il n'y avait pas de mur de protection. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance où il y a le mur de protection. C'est cela qui nous donne l'assurance de l'éternité. C'est cela qui nous montre effectivement que c'est la compte que le Seigneur Jésus-Christ vient de nous chercher. Tant que nous sommes ici, comme le frère Francis disait, tant que nous sommes ici, sans ce Saint-Esprit-là, nous battons contre le vent. Canada de la sainteté, quelle est la conclusion maintenant avec la télévision? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous avons identifié l'ennemi. Et quoi, dans un autre ensemble, nous allons parler d'identifier les ennemis de notre marche, les ennemis de notre foi. Nous venons d'identifier un autre ennemi maintenant contre notre marche de la sanctification. Cet ennemi-là qui vient posséder notre cœur au point où nous l'adorons au détriment de Dieu. Où nous pouvons déposer la télécommande. Regardez bien, la télécommande ne se dépose pas sur la Bible. La télécommande se dépose au-dessus de la Bible. Regardez même la marque déjà. Vous déposez votre télécommande sur la Bible. Et quand vous envoyez la main, vous prenez facilement la télécommande sur la Bible, laissant la Bible en dessous. C'est-à-dire que la télécommande, c'est que vous guidez. Vous guidez pour mettre votre idole parlant, parce que ça a pris le Dieu qui est au-dessus de votre cœur. Tu aimeras le Seigneur, dit la Bible, de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et nous avons aimé les séries télévisées. Oh, les bons choix ne disent jamais avant. Ah, Marina, je ne sais pas si Marina, la beauté du diable, c'est du mal si tu veux, l'amour. Le diable s'habille en pantalon vert, ainsi de suite. Avec ces séries télévisées qui nous ont baissé depuis le temps, mieux que Satan a utilisé pour nous former depuis longtemps. Isaura. Oh, les Bambambé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas écouté ça. Jean-Michel Cancan. Canada de la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Nous regardons maintenant la dernière vidéo. Je vous pose la dernière cour, le dernier tour. C'est Karine, en quelques mots, que faut-il faire de la télévision? Il faut. Son micro, ton micro est refermé. Ça s'est refermé là. Je disais qu'il faut s'en débarrasser. S'en débarrasser, c'est bon. Ça un petit mot. La soeur de la Roche. Non, c'est bon, c'est, monsieur, on a compris. On a compris. La soeur de la Roche. Sauf que non. Il faut s'en débarrasser. Ça va. La soeur de la Roche. Il faut jeter la télé, détruire. C'est très bon. La sœur Alphonse, c'est bon. En quelques mots seulement. C'est la même chose, mon frère. Il faut s'en débarrasser. Et c'est Monique. En fait, tu connais le problème des Canadiens, non? Sinon, on est d'accord sur ça qu'il faut jeter. Il faut penser à aller mettre chez Camille, le frère Camille. C'est lui qui est la tour des gardes, la tour des... Mon frère, c'est toujours le père là qui a demandé d'honorer et de respecter nos maris. C'est ce qu'on fait, non? Quand il ne sait pas à la maison, il demande de ne pas tuer, de ne tuer pas. Le frère Camille, qu'est-ce qu'il faut faire avec la télévision? Frère Camille, son micro est fermé. Vous avez oublié l'aspect du péché. Les gens qui sont addictés dans les chaînes telles que la pornographie, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. On a oublié cet aspect-là. En tout cas, de toute façon, comme la pornographie se trouve dans une chaîne à l'intérieur, on jette tout le bouquet. Le frère Camille, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Ton micro est fermé. Je crois que le temps qu'il ouvre son micro, parce que la télécommande de son écran n'utilise pas. La sœur Suzanne, tu parlais d'un témoignage que tu voulais rendre par rapport à McDo. Dis-nous. Oui, c'est ça. Je voulais rendre un témoignage par rapport au McDo, parce que l'année dernière, en janvier 2018, le CM avait donné un songe sur McDo. Vas-y, ma soeur. La soeur Stéphanie, si la soeur Stéphanie se connecte, il ne faut pas qu'elle soit dans la même pièce que le frère Camille, parce que vous avez les deux connexions de comptes différents dans la même pièce. C'est pour ça qu'il y a cette résonance-là. Oui, ma soeur Suzanne, allons-y. Oui, c'est ça. Donc, la veille, la famille et moi, nous étions allés au McDo. Et donc, dans la nuit, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a amené dans une usine. Dans cette usine-là, je voyais comment on était en train de découper de la viande. Bref, je pensais de la viande parce qu'il m'a montré un tas de viande coupée en lamelles sous forme de sandwich qui était déjà prêt. Et sur la table à découper, il y avait des troncs humains. Mais c'était des troncs humains d'enfants. J'étais dépassée parce que je disais, mais qu'est-ce qui va se passer avec? Et on découpait la viande d'enfant. Et subitement, le Seigneur me montre le camion qui vient transporter cette viande-là. C'était le camion de McDo. Quand j'ai reçu ce rêve, j'étais dépassée. Le premier réflexe que j'ai eu, je suis allée sur Google faire la recherche sur McDo, tuer des enfants pour faire de la viande. Bref, j'ai fait mes recherches personnelles. Je suis tombée sur un article, effectivement, qui dénonçait cela. C'est vrai que McDo a payé pour qu'on fasse passer ça comme un article mensonger. Comme un fake news. Oui, comme un fake news. Donc, mais cet article, il est encore en ligne. Donc, c'est pour nous inviter, nous, les chrétiens, de ne pas consommer cette viande-là, parce qu'on oublie aussi l'aspect spirituel. Parce que tout le monde est unanime sur le fait que ces nourritures-là sont du fast-food, de la mauvaise bouffe. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a cet engouement, pourquoi il y a cette addiction. Et les enfants aussi, pourquoi il y a tout ça? Les gens ne se posent pas les bonnes questions. Donc, ce n'est pas juste un phénomène simple qu'on peut expliquer sur le plan scientifique. Là. C'est au-delà, c'est une possession. Voilà le témoignage que je voulais donner. C'est la possession. Moi, je voulais aussi acheter quelque chose, frère Junior. Oui. Juste pour confirmer ce que la sœur Suzanne dit. Nathan aussi avait eu un rêve, justement, sur McDo. Et dans ce rêve-là, justement, il s'est retrouvé. Il était dans une pièce du McDo. Il entendait des cris de bébé. Et quand il est allé pour voir, il y avait comme un grand bac. Et quand il a soulevé le bac, il a vu plein d'enfants. Et il était au matelot, il a vu plein d'enfants. Et il voyait un monsieur venir avec une hache. Et puis son rêve s'est coupé. Donc c'est vraiment pour confirmer que ça doit être vrai, cette histoire. En tout cas, c'est entre vous là-bas. C'est vous qui avez vu dans les films, on nous a manipulé dans les films que c'est bon d'aller le matin avec son petit, je ne sais pas comment vous appelez cela, un petit truc avec le café. Vous travaillez sur la chaise, vous baladez à chaque fois, de temps en temps, en buvant du café. Quand vous faites ça, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise. Parce que vous avez vu ça, on vous a montré ça dans le film, vous ne savez pas. Vous pensez que c'est de bonne vie là-bas. Et plus tard, dans un autre film, on va vous montrer effectivement que ceux qui boivent le café comme ça, c'est la caféine qui dans le corps, il faut se désintoxiquer. Vous ne savez pas comment vous a suggéré cela, c'est la bonne vie. Le frère Eden, il croit que je ne sais pas si c'est bon maintenant, s'il peut parler. Le frère oui, François. Allô? Oui, mon frère. Avec tout ce que tu as suivi maintenant, dis-nous. Bon, je pense que le Seigneur a vraiment nous conduit tous par son esprit, hein, par sa grâce. Parce que nous-mêmes, avec la famille, on a décidé depuis un moment de ne plus acheter de McDo. Donc, je crois qu'il y a un travail que le Seigneur fait. Parce que de toute évidence, la Bible dit ne vous laissez pas apaisantir par le manger, par le boire, les excès du manger et du boire. Et je pense que dans ce verset-là aussi, il parle aussi, je crois, de la convoitise et tout ça. Et dans le processus de sanctification que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies, je pense que c'est un passage, je veux dire, obligé. Un passage, je veux dire, indispensable pour nous. Même ce qu'on va manger aussi, on voit dans la parole aussi, comment Daniel et puis ses frères, hein, ses amis, là, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas voulu se souiller des mets de la table du roi. Et ça veut dire que ce qu'on mange, en fait, a une véritable influence sur notre état, au fait, notre état, je veux dire, ensemble, global. Donc, c'est vraiment pas anodin cet échange-là, parce que le Seigneur vraiment veut nous sanctifier. Bon, ce que je peux dire par rapport à la télévision, c'est que de toute façon, eux-mêmes, ils ont vu venir la fin de la télévision en tant que telle, avec, je veux dire, matière aux programmes télévisés, aux chaînes de télévision et autres, parce qu'avec l'Internet, ils ont vu venir comme la fin de la télévision, et maintenant, les nouvelles télévisions qu'ils font, par exemple, ce sont les télévisions qu'on appelle télévisions intelligentes, qui sont capables de se connecter sur Internet. Voilà. Donc, je vais dire aujourd'hui, beaucoup de télévisions marchent, non pas parce qu'elles utilisent le système analogique de diffusion, mais maintenant, c'est par connexion Internet. Parce que s'il n'y avait pas ça avec la télévision numérique qui reste, ou bien les autres trucs un peu techniques, là, il y a Internet aussi, les anciennes télévisions ne marcheraient plus. Donc, même nous-mêmes, je veux dire, qui n'avons pas les télévisions à la maison, qui avons Internet, je veux dire, ils ont un peu comme orienté les choses autrement, pour pouvoir pousser toujours les gens à avoir l'essentiel, un écran chez eux. Et avec le fait qu'il y ait un écran chez toi, quels sont les projets qu'ils poursuivent? Et nous, on est des enfants de Dieu, on n'est pas dans l'ignorance, on sait. Donc, vraiment, par rapport à tout ça, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On va avoir de la sagesse dans la manière dont nous utilisons ces différents supports-là d'information. Mmh. Voilà, on a vraiment besoin de la grâce. Maintenant, moi, je vais finir sur une réflexion, une pensée, et puis une question. La pensée, c'est la suivante. C'est est-ce que la somme des publicités, la diversité des publicités, au fait, n'est pas un simple tour du diable pour cacher quelque chose de bien plus macabre, qui lui-même cache encore les quelque chose de bien plus macabre, et ainsi de suite. Je prends vraiment l'exemple avec la nourriture, par exemple. On fait la publicité de beaucoup de nourriture, on parle de publicité de nourriture, mais on sait que toute l'alimentation aujourd'hui est industrialisée. Et, avec l'industrialisation de l'alimentation, quand tu regardes les lois, les réglementations sur, je vais dire, l'usage des produits qu'on utilise pour faire les aliments, ça fait peur. Voilà. Parce que tout, que ce soit les additifs, que ce soit les composants artificiels et tout ça et autres, toutes ces choses-là, ne sont pas faits pour faire du bien au corps. Voilà, qui sont faits avec. Parce que c'est à cause de ça aujourd'hui, on dit, ici au Canada par exemple, je dis au Canada, c'est une personne sur deux qui meurt de maladies causées par des arrêts cardiaques ou bien le cancer lié à ce qu'on ingurgite, à ce qu'on mange, qu'on consomme. Voilà. Et je vais dire, est-ce que la publicité en soi n'est pas c'est juste un simple tour de passe-passe pour détenir l'attention des gens sur le fait que. Le fait que tout soit industrialisé, c'est déjà hyper dangereux pour la santé, hyper dangereux pour le corps. Le corps qui, à l'origine, Dieu l'a créé pour être son habitation en esprit. Mmh. Voilà. Et le Seigneur lui-même dit dans sa parole que celui qui détruit ce corps-là, Dieu le détruira. Et la question en fait, qui ressort, c'est quand tu regardes un peu ce que les gens nous donnent aujourd'hui à manger, les habitudes alimentaires, par exemple les viandes que nous mangeons, les plantes que nous mangeons, la manière dont c'est produit et tout ça, on se pose un peu des questions. Moi, je me pose des questions parce que quand je retourne un peu dans la Bible aussi, je regarde les conseils que Dieu donne par rapport à l'alimentation, par exemple des Hébreux dans le temps, ce qu'ils appellent la cache-route, par exemple. Est-ce que ces choses-là, on ne peut pas, on se pose des questions, Dieu qui sait toutes choses, est-ce qu'il n'a pas mis quelque part ces choses-là un peu aussi dans la parole pour nous aider, pour nous orienter dans la manière aussi nous alimenter, la manière dont nous devons consommer les différents produits. Parce qu'aujourd'hui, on consomme tout et rien en même temps. Voilà. C'est très bon. Tu as touché plusieurs sujets au même moment. Le sujet de la nutrition, ce que nous mangeons aujourd'hui avec notre santé, sera vu avec les médecins. Vous allez retrouver ça sur Bamba et Bassé en programme déjà. Parce qu'en réalité, effectivement, nous mangeons des choses. Il y a d'autres personnes qui interdisent la viande en disant que telle chose est là. D'autres disent qu'il ne faut pas boire le lait. Effectivement, Dieu dit que voici le pays où coule le lait et le miel. Bon, on va voir tout cela dans la consommation. Mais mon frère, il m'aimerait te poser une question. Oui. Si tu avais quelque chose chez toi qui dérange la famille, tu ferais quoi de cela? Oh, par la grâce de Dieu, je m'en débarrasserai. C'est bon. Le frère Francis, quel est notre dernier mot avant de finir avec le frère Eden? Le frère Eden, tu avais une autre question? Il y a une autre question? Non, je veux juste dire qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Que moi, je me rappelle de ce verset qui dit que si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. C'est vrai que c'est un verset. Référence au jour de la colère de Dieu et la grande tribulation, la grande persécution. Mais avant, on ressent déjà les effets de ces versets-là. Exactement. Merci. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Dernière vidéo maintenant avant la conclusion. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé à Yaoundé tout dernièrement, alors que nous sommes en train de prêcher. Et puis, le Saint-Esprit parle de cette façon-là. Et puis, voici ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez voir. Voici ce que ça donne. Allez, on y va. Attendez, on va regarder. Donc, il avait deux écrans plasma. Regardez bien. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il fait la main comme ça pour montrer qu'il y en a terminé avec cela. Amen, frère. Vous savez ce qui est arrivé? Juste pour vous raconter, si vous lisez votre livre dans le livre de Luc au chapitre 19, un des jours, Jésus est entré chez un monsieur appelé Zachée. Observez-le bien. Zachée avait des promesses spirituelles. Zachée connaissait pas. C'était un collecteur d'impôts. Quand il collectait d'impôts, il était dans une mauvaise vie et les gens n'aimaient pas cela. Il est lu au chapitre 13, verset 4. Il y avait une femme là-bas qui assistait à la synagogue chaque 8 ans. Elle avait été captive et enchaînée par Satan, s'en fout. Donc, si vous êtes dans la lumière, ordre. Canada dans la sainteté, bonne soirée. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu veuille. Salutations à notre soeur Erna qui était tout juste à côté. Je crois que vous avez vu l'effet que ça a fait à Yaoundé. Ça, c'est à Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Je sens délaissant le Canada. Le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.